Game Trip FM, c'est tous les dimanches à 11h sur gametrip.net et sur YouTube. Wesh ma gueule. Bien, t'as vu? Ah, t'as vu. Oh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 26e émission en direct de gametrip.net. Une émission où on n'est que deux sur place car tout le monde est confiné pour le coronavirus, ou alors sur des pistes de ski. Même la machine a chopé un virus, du coup les 5 premières minutes n'ont pas été enregistrées alors qu'on était bien en live avec Jay en direct de Paris sous quarantaine, et Iako qui est à côté de moi. Bienvenue à tous, le vrai live commence dans 3, 2, 1... Le virus mortellement mortel qui tue des gens dans le monde entier. Nous étions pas du tout en direct. Eh bien voilà. C'était enregistré mais nous n'étions pas en direct. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend depuis le début ou pas? Eh bien on reprend depuis le début. Parce que de toute façon c'était enregistré, les gens ne le verront pas mais c'était tout de même enregistré. C'est-à-dire qu'ils le verront en VOD. Ils le verront pas en VOD, ils l'entendront en VOD. Ah ah bah alors, je sais pas, c'est toi le chef. Ah bah alors du coup on va continuer hein. Ouais. Bonjour à tous. Sartek ou Balek. Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes dans cette émission voilà. Dans cette émission en direct anti-coronavirus. En tout cas, nous sommes plus que deux survivants pour cette émission de la fin du monde des rescapés des survivants. Il y a tout autour de nous, le cassoulet, le gel hydroalcoolique, les lentilles, le PQ. On a des petits masques en rap, venez, voilà. On a des cookies. Venez avec nous, n'ayez pas peur, il y a même une PlayStation, une télévision, une SNES. Il y a tout, n'hésitez pas à venir avec nous. Et donc on était en train de présenter l'émission puisque nous étions en direct, mais pas chez vous, seulement chez nous. Et nous en étions donc à vous dire qu'il y avait la chronique True Story Bro de Iako tout à l'heure. Et puis après, il y aura notre débat du mois, ce sera ce mois-ci sur les exclus. Vous le savez, hein, beaucoup de jeux sortent en exclu sur les consoles ou alors sur certaines plateformes, sur des launchers même maintenant. Est-ce que ça ne tue pas un peu les jeux vidéo, ce principe? On en parlera dans notre débat aujourd'hui. Si vous avez un avis sur l'exclusivité, commentez juste à côté. Voilà, vous pouvez commenter. C'est où? C'est là, ça doit être de ce côté-là. Et puis ensuite, pas de deuxième chronique ce mois-ci, puisque nos deux autres chroniqueurs, on le rappelle, sont sur les pistes de ski. Ils sont des connards. Déjà, et puis ils sont pas là surtout. oui, Iako a le coronavirus. Donc pas de deuxième chronique, mais on fera un point sur le truc. Vous savez, le grand clash des consoles qui s'est terminé. Je suis tellement déçu. Et je sais, voilà, on va en parler tout à l'heure. Il y a des choses à dire. Ça s'est terminé sur GameTrip.net. Dans une heure et quart, le tout venant de l'actu. Là, on fera le tour de l'actu non-oldies. Et puis vous l'attendez tous, les gros beats, le grand quiz des animateurs vers la fin de l'émission. C'est comme les grosses têtes, mais avec des petits beats. L'égalité a pris fin le mois dernier dans un combat épique et peu préparé. Il faut le rappeler. C'est vrai. 22 pour Juju et Iako, 17 pour Jay et Jack. On rappelle que l'équipe perdante paye le tacos à l'ensemble de l'équipe gagnante à la fin de la saison. Prépare ton chéquier, Jay. Prépare ton chéquier. Non, mais je t'enverrai 2-3 conserves et puis on n'en parle plus. Est-ce que les tacos seront encore ouverts? Est-ce que les tacos existeront encore à la fin de la saison? C'est les seuls trucs qui survivront, je pense, non? Peut-être, je sais pas. Hein. Ouais, parce que souvent, tu sais, c'est les genres de trucs qui tiennent après une fin du monde. C'est vrai. La question, c'est qu'est-ce qu'il y aura comme viande dedans? Ah, ça sera du chat, du rat, du pigeon. Oui, comme dans Demolition Man. Du rat, mauvais. Le rat burger. Voilà, le rat burger. Ou du vieux? Du vieux? Du vieux, pas. Non, les vieux, ils seront tous contaminés. C'est les ils seront plus là. Sur ces bonnes paroles. Est-ce qu'une fois que c'est cuit, le virus est encore là? Non, je ne pense techniquement, pas. Techniquement, non. Ah, c'est bien vu. Et ben alors. C'est bien vu, autant que moi. Moi, je trouve des solutions et voilà. Pour la fin du monde, il y en aura un qui trouvera les solutions. N'hésitez pas à nous interpeller directement dans les commentaires du YouTube live. On a un chat qui s'affiche désormais juste à côté de nous. Merci d'ailleurs à qui ça? Julien qui nous a éminemment précisé que nous n'étions pas en direct. Enfin, chez nous, oui, mais pas chez vous. Donc du coup, merci à... C'est ce genre de réaction qu'on attend, évidemment, sur notre live. Je remercie aussi tous les auditeurs qui nous laissent des messages à chaque émission et qui nous encouragent. Il y en a beaucoup, oui. Plein de nouveaux abonnés. Vous voyez le petit compteur en haut. On était à 30 le mois dernier. On est à 35. Ça bouge tout doucement, mais ça bouge quand même. Merci entre autres à Tourche qui est là à chaque fois. Bisous à Frenchy NR. Merci à Xavier qui s'est abonné à la dernière émission en nous laissant un petit mot. Faites tourner le live ou la VOD, c'est hyper important pour nous. Hein. Ça nous permet de faire de meilleures émissions avec plus de monde, plus d'interactions. Et puis plus de monde, visiblement non, mais bon. Non, bah après c'est indépendant de notre volonté. ce qui se passe aujourd'hui. et puis envoyez le lien à vos potes. Vous pouvez évidemment nous suivre sur gametrip.net, gametrip.fr aussi maintenant, les réseaux sociaux, facebook.gametrip.net, twitter.gametrip.net, youtube.gametrip.net, et puis sur Spotify, vous allez directement sur Gametrip FM. Et puis vous écoutez toute la saison en direct, comme ça, quand vous êtes en train de conduire, ou alors chez vous, en podcast, tranquillement. En train de faire le ménage, l'aspirateur. Voilà, en train de mettre du gel hydroalcoolique, voilà, sur tous les meubles. Voilà, c'est ce que je veux dire, de désinfecter les poignées de porte. Et si jamais vous voulez débattre avec nous, c'est possible aussi. Vous tapez discord.gametrip.net et puis ça permettra de vous passer directement à l'antenne, en plus de Jay, pour une prochaine émission. C'est ouf la technique. Voilà, voilà. Mais l'intro, c'est devenu une chronique, en fait. Bah oui, mais l'intro, normalement, ne dure pas... Enfin, on la fait pas deux fois. Ouais, c'est ça le problème. C'est surtout ça, là. C'est pas totalement fou. C'est pas faux. Voilà, c'est pas faux. Donc, du coup, eh bien, vu que tout est dit, on va passer à la première chronique. Sartek, ou Balek. La première vraie, hein, pas celle qui dure aussi longtemps que le sommaire. de quoi on va parler aujourd'hui, évidemment, de l'actu... Les trucs dont on se balèque, c'est ça? Peut-être, on ne sait pas. on rappelle pour les gens qui viennent de nous découvrir, et pour Jack également, que le principe, c'est que je vais vous donner des actus oldies, et on va dire si ça nous intéresse Psartek l'info, ou si on en a rien à foutre, balèque l'info. On commence, et c'est normal, vous le savez tous évidemment, FF7, la démo qui est sortie sur le PlayStation Network en amont de la sortie du jeu le 10 avril prochain. La démo tant attendue par des millions, des milliards de joueurs est sortie sur les internets de la PS4. On rappelle, 11 millions d'exemplaires pour le jeu original en 97 sur PlayStation. Selon le producteur, c'est pas une simple remasterisation mais une réinterprétation du jeu grâce au Unreal 4 pour les graphismes, ce qui permet plus de possibilités, notamment dans les expressions des personnages, dans l'atmosphère de Midgar, casting vocal français aussi pour cette remasterisation. VF, ouais. Et les boobs de Tifa, mon gars. On ne mettra pas de vidéo parce qu'on a peur d'une démonétisation, mais oui. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de fou qui a été présenté? Motion capture pour les cutscenes, tout en motion capture. Ouais. Des nouvelles séquences qui ont été refaites, réorchestration des morceaux du jeu. Un nouveau mode de combat. Ouais. Un nouveau gameplay. Ouais. Voilà, et du coup, toute cette démo, ça dure 4-5 heures et c'est soi-disant environ 5% de l'histoire, donc ça nous fait un jeu dans les 40 à 50 heures. C'est pas mal, en sachant que c'est un jeu qui sera découpé en épisodes et donc le premier épisode là qui va sortir, ce sera celui à Midgar. Globalement. D'après ce que j'ai compris, ils vont couper ça en l'équivalent des CD, c'est ça? Ouais, alors CD1, CD2, bah là, ouais, tout en à gros, fait, ouais. Mais en gros, c'est ça, quoi. Et donc du coup, là, le premier épisode a l'air un peu fatos. Ça sera sur deux Blu-ray pour un petit épisode, on va dire. Donc c'est un jeu qui a l'air pas mal lourd, quand même. Ouais. Vous avez vu, vous avez touché, vous avez essayé? Bah, j'ai pas de PS4, donc non, malheureusement. Par contre, j'ai vu des gens sur Internet y jouer, quoi, et... Ben, un an, ça va être long, parce que moi, comme j'ai pas de PS4 et que j'ai pas l'intention d'en acheter une, ouais, tout de suite, et ben, il va falloir que j'attende qu'il sorte sur PC, et donc un an, ça va être long. Je pense que je vais essayer de jouer chez des gens, je pense que c'est ça qui va se passer, au moins pour le voir. PS5 sera dispo avant, quoi. Ouais. Ouais, mais voilà. Est-ce que des gens, tu as encore des gens qui sont vivants dans ton entourage? Ben, très peu. Ouais, bah ouais. Enfin, ils sont vivants, mais malades, du coup, je pense que d'ici un an, ils seront peut-être morts. Bah, du coup, tu pourras récupérer la PS4, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il y aura des gens qui pourront faire fonctionner l'électricité encore? Je ne sais pas. C'est une fois que ça va devenir un Battle Royale, après tu fais ce que tu veux. Hein. Ouais, c'est vrai. Sa priorité, ce sera FF7, quoi. C'est vrai. Ni le cassoulet. Non, mais de toute façon, voilà, quoi. Faut savoir dans la vie ce qu'on veut. Les priorités. Voilà, c'est les priorités qui font que. Hein, voilà. Bon, ça fait 3 mois qu'on en parle et qu'on dit Psartek. Je suppose que pour vous, Psartek. Bah, Psartek, évidemment. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Bah, carrément. Juste déçu que. A priori, les Red 13, toi tu connais du coup Yako, mm-hmm. Red 13 n'est absolument pas contrôlable en tant que perso, il sera géré que par l'IA en fait. Ouais, alors c'est ça, j'ai dommage. Pas trop suivi, mais effectivement, si c'est le cas, c'est nul. Enfin, c'est nul, c'est dommage. Ah non, c'est confirmé, ouais. Enfin, en tout cas, sur ce premier épisode, il sera pas jouable en fait. Et bah voilà, une info en plus, c'est ça aussi Game Trip, tu vois, c'est de balancer des infos comme ça. Pas, mais après, si c'est effectivement que le premier CD, ça peut bouger. Plus ou moins logique dans le sens où, via l'histoire, il n'y a peut-être pas forcément. Après j'avoue que je sais pas le rythme de sortie des autres, si ça va être genre un an de pause ou 2 ans de pause avant de sortir les. Tu penses pas qu'ils ont déjà tout fait en fait? Ah, tu penses que c'est pas fini, toi? Je pense qu'ils ont déjà tout réalisé et après ils vont sortir tranquillement. Oui, mais ça n'empêche pas justement que tu t'attendes même un an. Aussi, l'avantage qu'il y a sur les jeux que tu sors en épisode comme ça, c'est que tu peux écouter la communauté et peut-être faire des améliorations sur les épisodes suivants en fonction des retours que tu as eu des au-delà des bêtas des vrais joueurs quoi. Les vrais studios le font. Voilà. Oui, les vrais studios le font. Les vrais bons studios le font. Je ne doute pas que Square Enix quand même. Oui. Ouais, voilà quoi. Attends, on a oublié de mettre un petit filtre sur la voix de Jay qui nous parle de l'au-delà. C'est vrai que Jay, tu es décédé. Donc voilà. Et donc tu viens, tu nous parles d'ailleurs. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je suis dans ma tour tranquillement, tout voilà. En haut, au quatrième étage. Donc Psartek. Sans ascenseur, donc je peux buter des gens avant qu'ils arrivent et tout. Il est au sniper, c'est bien. Ça, c'est beau. Psartek, donc pour ça. Autre info, oldies, le retour de Street of Rage sur Switch, PC, PS4 et One. Alors, c'est le numéro 4. Ouais, numéro 4. Oh, alors, il doit toujours sortir à une date inconnue, mais c'est plus au printemps désormais, c'est au second semestre de cette année. Donc, bon, ça va pas tarder. Et on vient de présenter un nouveau personnage d'ailleurs, parce qu'il y aura tous les anciens personnages du jeu qui seront de retour, et il y aura des nouveaux personnages, dont un qui s'appelle Floyd Iraya. Voilà, c'est un nouveau personnage qui a été présenté en vidéo. C'est une espèce de Jack, ouais. Avec les bras mécaniques, là, tu sais. Oui, oui, c'est voilà, une petite vidéo qui a été diffusée, qui nous montre tout ça. Et le jeu se passe du coup 10 ans après les événements de Street of Rage 3, et petit détail qu'on a annoncé, le jeu sera jouable à 2 en ligne, à 4 en local. Ouais. Voilà, Psartek ou Balek ? Ah bah Psartek, hein. Un bon jeu. Pareil. T'en vas enlever ce truc. Ouais, ça fait peur en fait. Ouais. Alors moi j'ai vu des images, moi j'ai beaucoup joué à Street of Rage 1 et au 2. Le 3 nettement moins, mais je l'ai quand même fait une fois il y a très longtemps. Mm-hmm. Et je trouve le style graphique, changé. Audacieux, parce que je trouve ça pas moche, mais pas beau non plus. Ben, j'ai pas envie de dire une méchanceté parce que je le trouve pas moche. C'est du cel shading, non ? Ben, je sais, non, c'est un espèce de cartoon chelou. Ouais, c'est mais cool. C'est un peu comme les jeux refaits par Dotemu et tout ça, tu sais, les vieux jeux. Ça. Ouais, c'est ça. Et je me dis, est-ce que. Je dis audacieux parce que c'est pas du fan service, donc ils sont pas allés chercher les vieux joueurs. Et ils ont essayé de faire un style propre et peut-être plus adapté à l'époque. Oui, pour toucher les nouveaux. Je sais pas. Je trouve pas ça moche, mais je trouve pas ça beau. Peut-être parce que j'ai la nostalgie. Oui, voilà. J'ai ma nostalgie qui n'a pas été flattée, je ne sais pas. Jay apparemment a l'air de d'être hypé aussi. Ouais, mais en fait, le truc, j'ai pas vu les images du 4. Par contre, je me demande s'il y a toujours les. Parce qu'ils utilisaient toujours les déclinaisons par couleur, là, des vieux skinheads et tout, et puis les gros joueurs de baseball, là, avec ouais, des ouais. Casquettes de baseball. Oui, il y a toujours les swaps couleurs, oui. Ouais. Ça, c'est ils vont toujours s'appeler pareil et être toujours. Ouais. Ouais, je pense que ça. Globalement. Les images que j'ai vues, oui. Oh, c'est le principe du jeu, globalement. oui, c'était marrant. Et, ouais, non, mais voilà. En fait, pour l'époque, ça me paraissait normal parce qu'ils n'allaient pas faire ça. Ça fait un peu cheap aujourd'hui, oui. Oui, ouais, voilà, c'est ça. C'est ouais. Que, je sais pas, à voir comment ça rend. Mais, ouais. Mais ce sera sûrement sympa. Donc voilà, prévu pour deuxième partie de cette année. On revient sur Final Fantasy avec Final Fantasy X qui serait. Le meilleur jeu de la série Final Fantasy devant le fameux FF7. Ça, c'est la chaîne japonaise NHK qui a fait un petit sondage et qui a donc révélé un top 15 des meilleurs FF. Alors, je vous donne le top 5 rapidement. Un top 15 des meilleurs FF, mais il n'y en a pas 60 non plus. Quoi. Bah, il y en a 20. Enfin, tu comptes sur PSP, sur machin, tout ça aussi, c'est ça ? Oh, enfin, après, oui, les tactiques, ces trucs. Ils ont mis aussi les tactiques, les X.2, donc du coup, certains sont en deux parties. Voilà. Le top 5, en gros, bon, pas de grosses surprises, c'est juste l'ordre peut-être qui est surprenant. FF10, FF7, 6, 9 et 14. Et le numéro complémentaire. C'est bizarre, il n'y a pas le 8. Et les derniers, ce sont les 13 et les 12, selon eux. Alors, j'ai posté l'info sur notre Facebook, sur le Facebook facebook.gametrip.net, si vous voulez aller voir. Vous avez été très nombreux à réagir. C'est même le post le plus commenté de ces derniers mois sur le site, donc ça fait réagir, en effet. J'ai compilé un peu les votes de tous nos lecteurs. C'est FF8, qui n'est pas dans le top 5 de NHK, qui ressort vachement en tête. Ensuite, il y a FF7 qui ressort un peu moins, mais quand même, c'est un jeu qui sort vachement. Et puis Jordan a voté pour FF6, Dimitri pour le 10, Maxime pour le 5, parmi les dissidents. Il y a Yann qui dit clairement les deux premiers, donc FF10 et FF7, méritent leur place, reste à savoir dans quel ordre. Et Camille répond le 10 sans hésiter, j'ai du mal. Le 7, c'est du fait que c'est le premier en français, du coup ça biaise un peu le classement français. Ouais, je sais pas, c'est pas faux. Personnellement, moi j'ai joué qu'au 7. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Hein, je n'ai joué qu'au 7 parce que le 7, tout le monde m'a hypé sur le 7. J'ai mis 10 ans à y jouer, littéralement 10 ans. J'en avais déjà parlé. J'en parle très régulièrement dans l'émission. Dans toutes les émissions, on peut le dire. Voilà, dans toutes les émissions, j'en parle. Mais j'ai un pote qui lui a fait beaucoup d'FF7. Et je pense que s'il avait dû choisir, il aurait aussi choisi le 10. Ouais. Si je dis pas de conneries, c'est là où il joue, il y a le Blitzball, c'est ça? Alors moi, ouais, FF, j'en ai fait aucun. Donc c'est FF qui est vraiment, vraiment beau, en fait, avec des putains de cutscenes et tout ça. Ouais, et je pense que... Parce que le 7-8-9, ça reste assez sommaire, c'est sur la PS1, quoi. Ouais, et je sais que là, lui, je suis pas quasiment certain qu'il aurait choisi le 10. Bon, globalement, là, dans le top 5 des gens, on retrouve FF6, FF10, FF7, FF8... C'est mais tu vois, même qu'ils aient mis le 14, moi ça me choque parce que le 14 c'est un MMO quoi, enfin ça a rien à voir du tout. Le 14 ils l'ont mis dernier. Attends. Non, le 14, ah non, ils, 14 l'ont mis ils l'ont mis 5ème. Ouais, ouais. Ouais. Il est 5ème, tu vois, alors que ça a rien à voir quoi. Mm. Bah, je sais pas, j'ai jamais joué personnellement. Donc, voilà. Ouais. Bon, on va passer. Bah, c'est un bon MMO, mais c'est pas non plus. Enfin bon, bref, peu importe. Et ils ont pas mis ceux de Super NES qui sont le. Si, le 6. C'est le quoi, le 6. Ah, c'est le 4, 5, 6, ouais. Ouais. 6, il a été le 6 était dedans. Le 6 est un 2, 3ème. Voilà. C'est le seul vieux, on va dire, avec le FF7. Ouais, mais ils ont ressorti après, sur que... PlayStation le 6, je crois. Mm. Hein. Ouais, mais il y a juste beaucoup moins de monde qui a joué, donc forcément les gens sont peut-être. Ouais, après, voilà, à voir quel panel ils ont pris pour ouais, définir ça. Bon, après, c'est pas. Voilà. Si c'est que des jeunes de 15 ans, peut-être qu'ils n'ont pas joué aux 8 premiers, 9 premiers, quoi. Je sais, bah ouais, carrément. Mais. Non, pour le coup, ouais, c'est vrai que le 8, c'est vraiment surprenant qu'il soit pas, parce qu'il est vraiment, vraiment cool. Bah ouais, c'est ce que tout le monde dit sur notre Facebook. Le 9, c'est un peu plus discutable, mais le 8 est vraiment... Mais bon, voilà pour moi. On enchaîne avec Black Mesa, qui est sorti, un jeu qui avait débuté en 2005 sur Half-Life 2. C'était un add-on spin-off qui ouais, était fait, un, ouais, qui était utilisé... Faut que je le fasse, d'ailleurs. Hein ? Attends, je vais me le noter. Faut que je le fasse, je vais me le noter. Mais ils sont toujours gratos là, je ouais, crois. Alors, ouais, ouais, les... jusqu'à la sortie de Half-Life Alyx en VR, là, le 23 mars, tous les HL 1 et 2 sont gratos sur Steam. Et là, donc, du coup, le Black Mesa, c'était un peu une arlésienne pendant longtemps, et globalement, ça aurait pu sortir à l'époque. Maintenant, c'est quasiment du rétro gaming. Et là, Crowbar Collective a donc sorti ce remake. C'est un remake de Half-Life avec le moteur Source. Valve a donné sa bénédiction pour commercialiser le jeu. Il sort donc en Early Access à 17,99€, un prix qui restera similaire à sa sortie. Et voilà, pour l'instant, 86% d'avis favorables sur Metacritic. Psartek ou Balek, retour de Half-Life. Psartek, Half-Life, c'est, pour moi, ce sera toujours une petite Madeleine de Proust, donc Psartek, hein, facile. Hein. Pas Jay aussi, je suppose. Ouais, bah, pareil, ouais, pour l'instant, c'est que des jeux que je kiffe, donc forcément. Il a dit Psartek à tous les. C'est incroyable. Ouais, ouais, non, mais moi ça me surprend aussi. Hein, j'essaye de. Tu prends des sujets cool. Pour une fois que tu fais. D'habitude, t'es une merde, mais là, franchement. Pour une fois que tu fais un truc intéressant. Hein, Non, mais tu fais une bonne émission, j'y vais, tu fais une bonne Merci. Émission. Bien qu'on n'ait pas enregistré les 5 premières minutes, mais c'est sinon, vrai, oui, voilà. Diffusion directe, elles sont enregistrées. Alors, on va essayer de continuer sur le grand chelem. Doom 4, une réédition. Doom 64, une réédition. Vous vous souvenez là, on est bon. Peut-être de la version console de Doom sortie en 97 sur N64. Ouais. Et voilà qu'une version remède pour PC, PS4 One et Switch sortira le 20 mars prochain, donc si je dis pas de conneries, dans une semaine. C'est ça ? C'est Doom Eternal. Ouais. Doom Eternal, ouais. Ouais. Donc ce nouveau chapitre, un nouveau chapitre sera rajouté au jeu, donc sera un remède mais avec un petit peu de bonus dedans. Et ce sera un chapitre qui se déroulera après l'épisode de la confrontation avec le boss final, on ne va pas spoiler. Donc on devra battre sa sœur qui est tout aussi vénère, voire plus. Psartek, voilà. Voilà. Doom Psartek. 20 mars. Pareil. Pour un prix, même son prix vous fera rire, 4,99€. Après, pour faire un jeu auquel t'as déjà joué mais qu'il est plus beau, faut pas non plus. Un jeu que t'as joué en 97. Et alors, tu me diras qu'ils vendent FF7 15 balles. Voilà, hein, donc ils peuvent très bien vendre Doom 64. C'est vrai, mais bon, voilà. Non, ça m'étonne que vous n'ayez pas fait le rapprochement avec Warcraft 3 Reforge, mais. Refund. Ah ouais, ouais, ça. Warcraft 3 Refund. Bon, bah, c'est pas pareil quand même, hein. C'est quand même pas pareil parce qu'il y a nettement plus de. Ouais. Enfin, de mon point de vue, il y a plus de contenu dans un Warcraft 3 que dans un Doom. Et du coup, le prix est plutôt justifié et la vague de shitstorm qu'il y a eu sur le jeu, elle est aussi plus ou moins, non pas justifiée, mais compréhensible parce qu'il y a. C'est pas le même type de jeu, c'est pas le même type de contenu, c'est pas le même type de durée. Ah, ça te fait marrer, hein, ça. on repart sur un truc. On repart sur un débat. On part trop loin là. Mais sinon, par rapport à Doom, on a testé donc forcément le Doom Eternal. Et tous mes collègues me disent, de toute façon, c'est un jeu de boomer. Donc voilà. Ok, boomer, ça. Carrément. Mais, j'en prends tous les jours. Hein. Ouais. Mais c'est effectivement un jeu de vieux. Quand même. Mais il est top quoi. C'est pas le principe du rétro gaming ça les... des vieux et tout. Ah bah oui, oui. Non, mais les gens, tu mais sais. Mais il est... Oui. Ok. Eternal Alert. Bah du coup, le grand chelem du Psartek continue. Je suis content. Ah bah grave. Attention, hein. Je continue. Ah bah si j'ai le cinquième, là c'est bon. Another World et Flashback, les classiques de Paul Cuisset et d'Eric Chahi, réunis dans une version collector qui va sortir le 16 avril prochain. C'est quasiment les premiers jeux auxquels j'ai joué sur PS5, forcément. Première fois que les deux seront réunis dans un coffret, ce sera sur PS4 et Switch. Et en plus des jeux en version Director's Cut et remasterisé, le pack comprendra l'OST digital des deux jeux, deux artworks de Flashback et deux artworks d'Another World. Voilà, Psartek, parce que moi aussi c'est. Bah, Psartek. Du point and click, du jeu d'action, du jeu d'aventure, c'est du jeu français. C'est du jeu rétro, c'est du jeu que j'ai joué sur Mega Drive à l'époque. Ah Oui, j'ai joué la version Mega Drive moi personnellement. Ah, ouais, donc, c'est voilà. Moi j'ai sur PC, ouais, mais. Bah pas oui. Sur PC. Voilà. Mais j'étais Amiga. Pauvre moi à l'époque, j'avais pas de PC. Mais... Oui, voilà, sur Amiga quoi. Mais ah, ouais, oui. Ouais. Ok, bah on est sur un grand chelem. C'est beau. On est sur un grand chelem. J'en ai encore, mais j'ai mis. Du coup, j'ai décalé certains où j'étais sûr qu'il allait me dire Balek. Je sais bien là. Le gros malin. Nintendo qui sauve la vie d'une grand-mère de 95 ans qui a pété le Game Boy de son enfance. Voilà. Enfin, de son enfance, de sa jeunesse. Enfin, oui. De son adolescence. De son enfance. Enfin, de sa vieillesse. C'était en 95 ans, c'était il y a 30 ans. Elle avait déjà 50 ans. Oui, voilà, donc de son adultesse. Alors, l'histoire est marrante. Une grand-mère japonaise de 95 ans a pété sa machine. Elle a perdu son Tetris, un Tetris avec lequel elle jouait tous les jours, hein, forcément, parce qu'elle avait que ça à foutre de ses journées. La dame est tombée malade. En même temps, sa machine aussi. C'est étonnant. Mais incroyable. Et le Game Boy n'est plus supporté, et encore moins produit. Donc, sa fille n'a pas réussi à trouver un magasin. Donc, elle a fait appel à Nintendo directement, qui lui a dit, tiens, vu qu'elle est vieille et moitié mourante, on va lui offrir un Game Boy neuf avec une réponse qui lui c'était longue vie, tout ça, à 95 ans. Alors, la belle histoire, c'est que ça s'est passé il y a 4 ans déjà et que la grand-mère vient de mourir, là, à 99 ans, en ayant joué 4 ans de plus à Tetris. Yes. C'est beau. Voilà. Bah, Psartek, hein. Ah, Psartek Game Boy, Tetris, mémé, coronavirus. Ah, pardon. tout est bon. J'aime les mémés. J'aime les mémés. Ah, bah oui. Hein. Du coup, Psartek, pour... on tente le grand chelem du 6. Non, Jay, il s'en bat les couilles. Oui. Non, pour le coup. Oh, ça, hein. Oh, on va pas aller jusque-là. Ah, mais tu peux crever, je me bats les couilles. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, je continue. Bah non, mais c'est mignon, mais c'était. C'est non. Mignon. C'est de la belle histoire. Ah, c'est mignon. Ouais, voilà. C'est un petit peu un shonen, quoi. Oui, oui, exact. Alors, je vais passer vite fait sur les trois dernières petites news qu'on avait. Un nouveau Worms pour 2020. La vieille licence de Team 17 n'est pas morte, contrairement à la moitié de la population mondiale. L'équipe a teasé un nouveau jeu pour cette année à l'occasion du 25e anniversaire, avec un tweet qui va parler aux puristes. Incoming. Bah, voilà. Évidemment. Voilà. Évidemment, Psartek. Référence à la chronique du Nouvel An qui était il y a 2-3 mois là. Ouais, 3 mois. Donc faites-vous plaisir d'aller réécouter ça, mais voilà, Worms, Psartek. Ah bah pareil. Ouais. Même si les derniers, certains choix graphiques étaient discutables. Voilà, je ne dirais que ça. Sur les 3D ? Sur les 3D, ouais, à partir du début des 3D, certains épisodes, j'ai eu du mal à retrouver les sensations de la 2D quasiment. Ouais, je sais pas, moi les épisodes 3D, j'ai fait le premier Worms 3D. Il y a Worms Armageddon qui était en 3D. Non, Worms Armageddon était encore en 2D, c'était c'est le mon préféré des Worms. Je n'ai pas trop joué au jeu 3D. Mais Psartek quand même, parce que bon, nouveau jeu, nouveau Worms. J'espère qu'ils font une version 2D à l'ancienne. Quoi. Ouais, c'est très bien. Jay s'en fout. Non, c'est pareil, la licence était cool et tout, après. C'est cool de le savoir, tu vois, mais je sais qu'il jouerait plus jamais, je pense. Ouais. Psarlek. Psarlek. On est sur du Psarlek. Ouais, voilà. On est sur un bon Psarlek. Ouais. Alors, on enchaîne vite fait avec les deux petits derniers trucs. Le point and click classique de 97, Blade Runner, qui va revenir aussi en version remasterisée pour console et PC. Putain. Publié en version écran 16:9 avec graphisme rehaussé, traduction française, tout ça, sur PC, PS4, One, Switch, courant de cette année. Voilà, encore un jeu des années 97 qui revient. Ouais. 97, vraiment. Je l'ai toujours dit sur Game Trip, pour nous, pour moi, les oldies c'était jusqu'à 97, jusqu'à ce qu'on passe à 99 et maintenant depuis un mois à 2002. Mais pour moi, 97 c'est vraiment l'année qui a marqué l'explosion de tous les bons jeux. Quoi. C'était les derniers vrais bons jeux cultes dont j'ai en mémoire, c'est vraiment cette année-là. Et là, on le voit, il y a tout qui ressort. Jusqu'à 2000, moi quand même. Hein. Certains, ouais. Mais c'était vraiment très minoritaire pour moi. Mais voilà, donc encore un nouveau jeu point and click classique qui va revenir. Et puis on reparle vite fait aussi de la Nintendo PlayStation. On avait parlé plusieurs fois, il y avait les enchères. Ah, c'est pas 360 000 balles. 360 000 balles. Ce qui va déplaire à Juju qui avait parié, qui avait tablé sur le million. Ah, moi j'étais chaud pour le million aussi, je pensais que ça allait plus loin que ça. Hein. Bah voilà, bah 360 000 balles. Donc on rappelle, c'est le prototype de la Nintendo PlayStation avant que PlayStation mette une petite quenelle. À Nintendo et face avec Philips en plus, voilà, et face sa petite console de son côté. Donc c'était un prototype, il y en a plusieurs, mais ça c'était un modèle qui était vendu par un des gars qui l'avait encore. Voilà, donc 360 000. De toute façon, j'aurais pas mis de pognon dedans, donc Balek. Évidemment. Et puis on termine par la petite auto promo comme d'habitude. Point 9 sur Game Trip depuis la dernière émission. Il y a eu un test qui a été publié qui s'appelle Mr. Nut sur Game Boy. Je sais pas si vous connaissez Mr. Nut. Ah, c'est pas le petit écureuil là. Un petit écureuil, voilà. Un espèce de Kirby-like avec un petit écureuil. Ouais. Un jeu Game Boy, donc on l'a publié. On lui a mis une bonne note. C'est à voir sur GameTrip.net. Et puis je viens de publier le test de GTA 3 sur PC et PS2. Vu qu'on est désormais ouvert depuis un mois aux consoles GameCube, Xbox, PS2, eh bien voilà, on a publié. Le 6 qui sort bientôt. Et ouais, en plus. Ouais. Et voilà, donc GTA 3. Oui, bientôt, il a été annoncé. Alors, ce qui est marrant avec ce test de GTA 3, c'est que c'est un test qui a été publié l'année de la sortie. Donc, j'ai commencé à faire des tests. J'ai commencé ma carrière dans les tests de jeux vidéo l'année qu'aujourd'hui on considère comme oldies sur Game Trip. T'es vieux. Ça me fait mal. Es vieux. J'ai mal. Ok, boomer. Très ta bien. Ta gueule. et puis on rappelle vite fait le clash qui s'est terminé sur notre site. Allez voir le résumé de la compétition. Bah, c'est un. Boubacari. Ah non, c'est pas ça. Oui, aussi. Octogone ou Boubacari. Octogone. On en débat tout à l'heure d'ailleurs sur la gagnante justement. Elle mérite sa place. Pour moi, mais rien. Pas je pour ne dirai rien maintenant. Mon ami, juste à côté de moi, on en parlera tout à l'heure justement. sur est-ce qu'elle mérite vraiment sa place? Oui, la réponse est oui, évidemment. on va passer à quoi, la chronique du gros? Allez, je vous emmerde. J'avais pas si gros. J'avais dit à Juju, regarde, ça va. Je me trouve. Franchement, ça va. Ça fit bien quand même ce truc. Hein. Ah mais ça va. Ouais. Je sais pas si ça fit bien ou si. Enfin bon, je veux pas. Mais bon. Quand même, hein. C'est pas moi que c'est gros, c'est toi qui es maigre. Va au McDo un peu. True story, bro. True story. Story gros. Je vais changer en true story gros. Putain, je vous jure. Alors, Yaku, il va nous parler du coronavirus. Ah, je pense que je m'en fais moi, parce que je commence à avoir vraiment chaud. Oui. Et on t'entend pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, en cette émission spéciale Virus Exterminateur, je vais vous parler d'un jeu cultissime, que dis-je ? Un monstre ! Il fait des petits crochets avec ses voilà, doigts. Voilà, au cas où pas vu, pour un monstre du jeu vidéo. Lorsque ce jeu, ou plutôt ces jeux, sont sortis, oui. Il y a à peu près 20 ans déjà. Alors, il y a 20 ans, tout la pile. La face du monde a littéralement changé. Il y a 3 semaines. Et je pèse mes mots. Sérieusement, on parle d'un phénomène qui est connu sur la Terre entière. D'abord sorti au Japon, les jeux ont très vite gagné les États-Unis et enfin l'Europe. Comme un virus. Ces jeux sont à l'origine d'une véritable fièvre. Comme un virus. Et qui ont contaminé tous les continents. Comme un virus. Ne parle pas si près du micro. Pourquoi ? Du virus. Ah oui, c'est vrai, pas faux. Et qui continue de se développer encore de nos jours, ce virus est communément appelé Pokémania. Oh. Je veux bien évidemment parler de Pokémon rouge et bleu. Ah ouais. Cette histoire se passe en janvier 2002, tout du moins débute en janvier 2002, alors que j'étais au lycée La Briquerie de Thionville. À l'époque, j'étais wow, encore. Y a mon père qui était prof là-bas. Ah, c'est qui ton père? Hey, big up. Bah, il a le même nom. Bah, tu sais, tu connais son nom. Il était prof de maths et électrotech, je crois, un truc comme ça. On en parlera après. Peut-être je l'ai eu. Là, ça me vient bien. Hein donc voilà. Genre retard de 20 minutes. À l'époque, j'étais donc encore sain et bien portant. Aujourd'hui, je ne suis plus que virus. Je venais d'avoir 18 ans et j'étais doux comme un enfant, fort comme un enfant aussi, et je vous emmerde. J'étais en internat pour ma première année de bac pro, et j'étais dans une chambre de 4 élèves. Il y avait Riri, il y avait Manu, il y avait Fonzi, et il y avait moi, hein, évidemment, si vous savez compter, avec moi ça fait 4. Franchement, mes années d'internat étaient sans doute les plus belles années de ma vie scolaire, et de loin. Ce qu'il faut savoir à cette période, c'est qu'en internat dans les années 2000, eh ben, on se faisait vite chier le soir après les cours, sauf pour ceux qui bossaient, mais cela devait y en avoir deux ou trois dans tout le lycée. C'était le début d'Internet, les smartphones n'existaient pas. Perso, j'avais un Nokia 3310, comme presque tout le monde, en fait. Une brique. Et c'est ça. Et les jeux mobiles, c'était très loin de ce que l'on pouvait voir aujourd'hui. Les jeux mobiles de l'époque étaient, comment dire, franchement, ils étaient cultes, en fait. Hein. Ils étaient nettement plus cultes. La preuve avec Snake. Tout le monde connaît Snake. C'est le seul jeu mobile auquel j'ai joué, d'ailleurs. La référence, hein, Snake. C'est et le backgammon. Space Impact, c'était un shoot'em up assez cool d'ailleurs. Et bon, Tumi, c'était un jeu où il fallait mettre des haricots comme ça, c'était un jeu tout pété, genre épreuve de réflexion digne de Fort Boyard. Bref, au premier trimestre. Je parle meilleur de Fort Boyard, ok. Eh, fais gaffe, hein. La boule, si tu nous entends de là où tu es. Bah oui. Bref, au premier trimestre, on jouait énormément aux échecs, on lisait des mangas genre Gun, GTO, Katsuo, Fly, Senseiya, là je suis en train de faire du name dropping pour faire Georgine. DBZ. Bref, bah DB, puisque les livres c'est DB, même la période Z c'est DB en fait, c'est Dragon Ball. Voilà, tu voulais faire genre t'as une culture, non, mais t'en as pas. Aussi, est-ce qu'on pourrait avancer cette chronique. Bref, en gros, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. C'est très dur de tourner les pages avec les gants. En fait. Pour une fois, ils sont numérotés. En ils sont numérotés cette semaine, enfin, ce mois-ci. Quand on sortait en ville, on arrivait de nulle part. On allait souvent dans une boutique de jeux vidéo qui s'appelait Golden Games et qui existe toujours, je crois bien. Et oui. Oui, ça existe toujours. Un après-midi, avec la bande, on était allé faire un tour dans ce magasin juste pour regarder et baver sur les jeux qu'on pouvait pas se payer. Ce jour-là, je sais pas trop pourquoi, Fonzie est ressorti avec un Game Boy Color et Pokémon version bleue. Il avait amputé son compte en banque de ses premiers euros, ouais, parce que l'euro c'était tout neuf à l'époque. À vrai dire, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais suite à ça, on a tous ressorti nos Game Boy, plus ou moins anciennes. Perso, la mienne avait 4-5 ans, référence à la chronique du mois dernier, à ce moment-là. Et on s'est tous mis à jouer à Pokémon, ça y est, on était contaminés par la Pokémania. Comme un virus. On avait chopé le virus. Chopé. Oh putain. La Pokémania. Faut dire que c'était vraiment dingue à l'époque. Il y en avait partout, tout le temps, en masse et sous toutes les formes. Des jeux de cartes, des jouets, des vêtements, des jeux de société, des produits dérivés les plus improbables. C'était n'importe quoi. Et même encore aujourd'hui, on peut trouver des Pokémon jusque sur les avions de la compagnie ANA, autrement dit All Nippon Airways. Il y avait même un Pikachu sur le maillot officiel de l'équipe nationale de football japonaise, notamment pour la Coupe du Monde 2014. Non. C'était au Brésil. Bref. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Pokémon sans parler de l'anime ultra populaire mettant en scène Sacha, Pikachu dans leurs aventures pour devenir maître de la ligue Pokémon avec ce générique légendaire que l'on ne vous passera pas puisque on n'a pas envie de se faire striker par le haut combien grand seigneur YouTubebot. YouTubebot, si tu nous regardes, c'est pour toi. Mais bon, ça fait 3 minutes que ma chronique a commencé et je n'ai toujours pas parlé du jeu. Musique maestro. Lequel? Le musique du thème principal. D'accord, s'il te plaît. C'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Non, ça c'est le combat, ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. On va y arriver. C'est ça. Donc, Pocket Monster, plus communément appelé Pokémon, sorti sur Game Boy en octobre 99 en France, édité par Nintendo et développé par Game Freak. Décliné en deux versions, la rouge et la bleue. C'est ça. Le Freak, c'est chic. À l'origine, le jeu est sorti en 96 au Japon avec une version rouge et une version verte. La bleue est sortie 8 mois après et corrigée un certain nombre de défauts. Il faut savoir aussi, je ne l'ai pas écrit sur ma feuille mais je le sais, que la bleue n'est pas sortie pour tout le monde tout de suite. Elle n'était que pour des abonnés d'un certain magazine et elle est sortie quasiment 3 ou 4 mois encore après pour tout le monde. Quoi. C'est quoi, c'était les trucs pour Famitsu ou... Non, je ne sais plus comment il s'appelle le magazine, mais c'était un truc, voilà. Pokémon, donc un RPG où il faut attraper des petits monstres tout mignons, tout kawaii, pour les faire level up afin qu'ils évoluent pour devenir des monstres méga balèzes dans le but de terrasser les différents champions des 8 arènes tout en déjouant une organisation terroriste appelée Team Rocket. Les champions battus vous donneront des badges qui vous permettront d'avoir soit des nouvelles techniques, soit de faire obéir vos Pokémon de haut niveau. Ainsi, Pierre donnera le badge Roche dans l'arène d'Argenta, Ondine vous donnera le badge Cascade dans l'arène d'Azurea, Major Bob vous donnera le badge Foudre dans l'arène Karma-sur-Mer, et oui, on va tous les faire. Ah oui, d'accord, oui. Erika vous donnera le badge Prisme dans l'arène Céladopole, Koga vous donnera le badge âme dans les arènes de Parmani. Morgane vous donnera le badge marais dans l'arène Safrania. Auguste vous donnera le badge volcan dans l'arène Cramoisil. Et enfin, Giovanni, le chef de la Team Rocket, vous donnera le badge terre dans l'arène de Jadiel. Une fois tous les badges récupérés, vous pouvez accéder à la ligue Pokémon et vous mesurer au conseil des 4 composé de... Oui, on va tous les faire. Olga et ses Pokémon au glace, Aldo et ses Pokémon combat roche, Agatha et ses Pokémon spectre poison et enfin Peter et ses Pokémon dragon. Une fois les 4, le conseil des 4 vaincus, il restera encore à affronter le maître Pokémon actuel qui n'est autre que votre rival qui vous avait devancé. Et enfin, vous serez le nouveau maître Pokémon. Et ça, c'est beau. Un jour, je... Ah oui, j'oubliais. Il y avait 150 Pokémon différents à attraper pour les collectionner tous. Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Salamèche, Reptincelle, hein? Dracaufeu, Carapuce, Carabaf, Tortank, Chenipan, Crisacier, Papillusion, Aspicot, Concofort, D'Artagnan, Roucoule, Roucoups, Roucarnage, Ratata. Et non, on va pas tous les faire, faut pas déconner quand même. Et puis ça va commencer. Et non, on va pas tous les faire parce qu'il faut pas déconner quand même. Et puis ça va commencer à se voir que j'ai écrit ma chronique en faisant des copier-coller de listes de trucs qui me font gagner du temps. Wikipédia. Donc Pokébip. Donc Riri, Fifi, Loulou et Flagada. Donc Riri, Manu, Fonzi et moi-même étions partis dans l'optique de finir nos jeux Pokémon respectifs. Perso, j'avais la version bleue, les vrais avaient la version bleue, histoire de passer le temps. Au début, c'était mon enfant. Alpha avait la version bleue. Les leaders, les influenceurs avaient la version bleue. Attendez, je crache le coronavirus dans mon masque. Voilà, tout va bien. Au début, c'était bon enfant. On comparait nos Pokédex afin de savoir qui avait la plus grosse. Fonzi, si tu nous écoutes aujourd'hui, on sait tous que c'est toi qui avais la plus grosse et on parle pas de Pokédex. On faisait des petits combats de Pokémon, tout ça, comme des mômes dans une cour de récréation, sauf que nous, on avait tous entre 18 et 20 ans. Et comme ça, tout l'hiver. Puis, comme le reste, on a commencé à se lasser. Farmer des Pokémon, les faire pecs, les échanger, blablabla, bah ça devient vite chiant en fait. Hein. La Game Boy commençait à dormir dans les armoires. Et c'était fini, nous étions en rémission de la Pokémania. Comme un virus. Presque tous guéris à l'arrivée du printemps. Mais un matin, de mars-avril, je sais plus trop, les premières petites fleurs sortaient de la terre, les hirondelles étaient de retour avec le soleil et les beaux jours. Comme ça, mon sans Dieu. Crier gare. Gare ! Ouais, je voulais juste savoir ce que ça faisait de crier gare, parce que je ne l'avais jamais fait avant. Donc... Faut pas crier. Voilà. Donc, sans crier gare, Manu lança l'idée d'effacer nos sauvegardes Pokémon, de refaire le jeu depuis le début, et de faire une course à qui arrivera le premier à devenir maître Pokémon. Rien de bien folichon, me direz-vous. Donc, mais pour con, que cela fait, le soit, folichon... Il nous fallait jouer exclusivement pendant les cours. Ah ! Est-ce que tu peux nous mettre la musique de bagarre ? De bagarre ! La bagarre ! Interdit de jouer ailleurs qu'en classe. Et ça, ça devenait du sport. En fonction des profs et des matières, c'était parfois vraiment hardcore de jouer pendant les cours. Il fallait, à notre tour, affronter les champions d'arène, mais cette fois-ci, dans la vraie vie. Gars ! Lis le numéro. Ouais, ne cherche pas, lis le numéro. Ainsi, il fallait jouer dans la classe de... Oui, on va tous les faire. Oh non. Monsieur Morel, prof d'anglais, Madame Weber, prof de maths, Madame Tessier, prof de français, Monsieur Maillard, prof de dessin, Madame Doinon, prof de physique, Monsieur Guillot, prof de sport, Madame Alvarez, prof d'histoire géo. Tous ces noms sont fictifs parce que j'avais pas envie de me faire taper un jour par quelque chose. Monsieur J, prof de... Sauf, bien sûr, Monsieur J. Le boss final. Ah, c'est Monsieur J, peut-être. Monsieur Laurent. Non, c'était pas lui. Notre prof d'électronique. Ah, peut-être lui. Certaines arènes, enfin certaines classes, étaient plus difficiles que d'autres et les heures de colle devaient être évitées à tout prix. C'était complètement débile de jouer en cours, mais en vrai, il y avait un côté un peu palpitant. Fallait braver l'interdit tout en restant concentré. Et on était des rebelles, des anarchistes. Nique le système. Wow, wow, wow. Vive la révolution. Calmez-vous. Bon, en vrai, on était des geeks qui gloussaient dès qu'on se cachait pour jouer. Et quand on se faisait presque choper, on faisait nos grosses victimes en mode « Non, c'est pas moi, j'ai rien fait, dites pas à ma mère hein. !» Voilà, là, je te reconnais plus. Au bout de deux ou trois semaines... victime, quoi. Au bout de deux ou trois semaines, Bolos. Nous avions tous réussi à finir le jeu. Et je suis perdu, hein, nous finir le jeu en jouant exclusivement pendant les cours. Et honnêtement, je ne me souviens pas de qui avait gagné. Une chose est sûre, c'est que ce n'était pas moi, hein, parce que si ça avait été moi, je serais en train de me la péter. Aujourd'hui, ça fait sens. Voilà. La morale de cette histoire, c'est que ce genre d'expérience qui forge les amitiés, les vraies, celles qui durent dans le temps. Aujourd'hui, tu en parles encore ? Je n'ai plus de nouvelles de Richard, de Riri. J'ai Emmanuel dit Manu en ami sur Facebook. Fonzi a toujours une grosse bite. Et quant à Romain dit Fonzi, comment dire, c'est un gros con de ses morts que je conchis chaque jour de ma vie. Dès que j'ai l'occasion de l'insulter, je le fais. Et vous savez pourquoi ? Non. Parce que c'est comme ça depuis plus de 20 ans. C'est notre façon à nous de nous dire que l'on s'aime. Oh. Oui, on est toujours aussi débiles, sauf qu'entre-temps, on a grandi, on a vieilli, on s'est casé, on a fait des mômes. On a grossi. Habite... Pardon ? On a grossi. Il a dit quoi ? On a grossi. On a grossi, lui moins que moi. En fait, non, lui, il a reperdu entre-temps. On joue sur mobile. Parce que c'est comme ça depuis 20 ans. Donc, il habite à plus de 100 bornes de chez moi, et on se voit moins d'une fois par an, mais on est toujours potes de la vie. Et vous savez comment on a gardé ce lien ? Bah Pokémon. Grâce aux jeux vidéo. Ça a commencé avec Pokémon à l'internat, mais ça a continué ensuite grâce à Internet. Mais pas que. On a joué des années à Diablo 2 ensemble, on a farmé toutes les nuits. On a joué à World of Warcraft, et ça, on y joue encore de temps en temps. Depuis le début de la sortie du jeu, on a fait du Don't Starve, du League of Legends, du Battlefield Bad Company 2, du Counter-Strike, et j'en passe. Parfois par écran interposé, mais, et micro-casque sur la tête. Mais parfois en vrai. Dans nos chambres, puis nos appart-maisons respectives, on a usé nos manettes sur Mario Kart Double Dash, Donkey Konga, sur Burnout. Je sais même plus à quoi on a joué, tellement on a joué ensemble. Mais ce que je sais, c'est qu'à travers tous ces jeux, on a vécu et on a eu des vraies émotions, des vraies aventures. On a rencontré des gens formidables. On a créé une vraie amitié et ça c'est beau. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et je peux me vanter aujourd'hui d'avoir attrapé le virus du gaming. Le simple fait d'être assis ici à vous parler dans le micro à travers les internets montre que les jeux vidéo peuvent vous faire faire des choses complètement débiles. Merci Pokémon, merci Diablo 2, merci Warcraft. Non, on va pas tous les faire. Merci Fonzi, bisous PD. C'est sur ces beaux mots. Qu'on termine la chronique de Yako. Je rappellerai que son adresse postale s'écrit juste en bas de l'écran. Au cas où vous voulez lui envoyer des messages. Avant sa mort prochaine, évidemment. Oui, c'est très prochainement. Alors, attends, je remets mon masque. Remets ton masque. Ah, là, tout va bien. Voilà. Tout ça était vrai, Yako. Tout ça était vrai, bien évidemment. Tout ça était 100% vrai. Puisque c'est la chronique True Story, bro. True Story, bro. Voilà. Merci Yako pour cette chronique. Un bisou pour de vrai à Fonzi qui peut-être nous écoute pas ce soir mais qui nous écoute généralement en VOD. Un bisou à Fonzi qui nous écoute jamais, voilà, parce que j'ai le vrai stat moi. Mais bisou quand même. Écoute-nous du coup, ça ira plus vite en fait. Et d'ailleurs, rien à voir, mais j'étais en train de me dire que Yako, vu là où il habite, il est bien niveau coronavirus. En bah, exactement, on va pas révéler le nom où il habite, mais. Comment ça? Bah, le nom de du bled non, où tu habites. Ah cool, ouais, dans le sens là. Dans le sens où ça veut dire. Des kirches de, ouais, non, oui, dit, d'accord, ok, j'avais pas. C'est quoi moi, j'avais pas trop pu. Ouais, ok. Oui, c'est vrai, je suis bien loti. Ouais, voilà. Lotissement. C'est bien. C'est bien pour les auditeurs, ces méta-références que personne n'a. On pourra mettre une voiture qui glisse de nouveau. Oui. Bref, faut regarder la VOD de la dernière émission. et ben, du coup, on va passer au gros débat. C'est un débat qui est plutôt gros, on va dire. Et t'as vu, on n'est pas trop en retard. Et en plus, on est à l'heure, malgré... On rappelle qu'à chaque émission, chaque mois, à chaque émission, on a le côté professionnel qui ressort. C'est vrai. Hein. Le mois dernier, on le a... Le respect des... J'ai donné un coup de pied dans le compresseur qui s'est explosé par terre. Voilà. Ce mois-ci, on a oublié d'enregistrer. On a oublié. Enfin, j'ai oublié, on a oublié de lancer le live. J'étais en BRB. Non, mais le live était lancé. Mais j'étais sur le panneau Be Right Back. On arrive bientôt. Ah, t'avais pas mis la t'inquiète, vidéo. Gros. Et du coup, le son ne se diffuse pas quand je fais ça. Quel nul. Oh putain, c'est magnifique. Voilà. Et... Ah, la chaîne de bras à caser, quoi. Ouais, bah oui, mais depuis que tu n'es plus là, Jay, tu sais, vu que tu ne viens plus. Ah, mais plus, tout part à vélo. Tout part à vélo, ouais. Même. C'est oh là ça, là, je vais te dire. Quoi. Du coup, malgré tout ce bordel, nous sommes à l'heure. Il y en a qui croivent, hein. Bah, il y en a qui croivent, alors qu'il faudrait mieux s'asseoir. Alors que nous sachons. Exactement. Cette émission n'a plus aucun sens. Mais c'est bien, j'ai du contenu pour le worst of. Est-ce que le worst of, il va pas durer plus longtemps que l'émission? Du coup, on va passer au gros débat démerdez-vous. Game Trip FM, le jeu vidéo, c'est dans les tripes. Game Trip FM, suivez-nous également sur gametrip.net, www.gametrip.net. Offre sans condition d'achat dans la limite des stocks disponibles, entreprise enregistrée au tribunal d'instance, déconseillé au moins de 6 ans, ne pas avaler, consulter la notice, attention au train, manger, bouger, ne pas prescrire à la femme enceinte, penser à prendre une baguette, il y en a un peu plus, je vous laisse. Voilà. Toujours aussi bien ce petit jingle, bien. Je changerai peut-être un jour, je ne sais pas. Qu'allons-nous débattre aujourd'hui? Ça ne veut rien dire. Les exclus. De quoi allons-nous débattre aujourd'hui? Merci. Il est tard et je suis malade. Les exclus. Est-ce que ça sert à quelque chose? On va parler des exclus liés soit à une plateforme en ligne comme Epic ou Steam, ça on en parlera après. On va déjà parler des exclus sur console ou PC parce qu'il y en a beaucoup. Alors j'ai pas des chiffres en particulier, donc difficile de dire s'il y en a plus ou moins aujourd'hui. Ma sensation étant qu'il y a eu une époque où il y en a eu énormément, au début de la génération PS3, et que ça a légèrement baissé aujourd'hui, mais alors légèrement. Alors est-ce que les exclus par console, PC ou console, est-ce que ça tue certains jeux? Est-ce que l'argument de vente, telle console c'est X exclus par an, est-ce que ça fonctionne vraiment? Aux yeux du grand public, en tout cas en termes marketing, on va dire. Visiblement, je sais pas, oui. Vas-y, Jess, je te laisse parler comme ça, je réfléchis. Je sais que pour moi, oui, parce que par exemple, tu vois, typiquement, si je devais choisir, si demain je dois choisir entre la PS5 et la Xbox Series X, je prendrais toujours la PS, ne serait-ce que pour les exclus God of War, par exemple. Ouais. Parce que c'est une, c'est en fait pour moi c'est un jeu qui mérite justement de choisir une console pour lui. Ouais, c'est il y a des jeux qui te font acheter une console, quoi. Bah en tout cas moi oui. Après c'est vrai que de plus en plus on a des trucs qui sont exclus console, bah comme FF7 Remake et qui sortent seulement sur PC après. C'est vrai que c'est assez frustrant quand on n'est pas joueur console et que on doit poireauter un an ou plus. Je crois que c'était aussi Red Dead 2 qui était Red Dead 2. Qui était longtemps. Red Dead 2, il y a eu un an de différence entre console et PC. Ouais, je crois que c'était un an, une bonne année. Alors après, moi, je sais que ça m'incitera pas à aller acheter la console pour. Enfin, au pire, j'attendrai. Mais par contre, si j'étais vraiment que joueur de console, oui, ça me frustrerait de devoir choisir absolument parce qu'il y a tel jeu qui est vraiment pété. Pété dans le bon sens, pardon, et que je veux absolument terminer, mais je sais pas, je trouve que c'est pas je sais pas, c'est un argument marketing comme un autre en fait, pourquoi pas. Moi ça m'a frustré, hein. Moi j'ai acheté un PC pour Red Dead 2, et en disant putain, je dois attendre un an pour que ce putain de jeu sorte enfin sur PC. Quoi. Mais t'as acheté un PC pour Red Dead 2? Ouais, quasi, ouais. Alors que j'y ai joué 4h30 depuis ça. Mais c'est l'inverse, enfin, pourquoi t'as acheté un PC alors qu'il est sorti après sur PC? Mais parce que j'ai pas la console, j'allais pas acheter une console en sachant que le PC j'utilise tous les jours avec plein d'autres jeux. Il écoute, hein. Ah oui. Fonzi nous écoute. Fonzi nous écoute. Puisqu'il vient de répondre. Il vient de m'insulter, mais moi aussi je t'aime. Il vient de lui dire la même chose. Oui, j'ai acheté le PC pour parce que je joue sur PC et je joue pas sur console. Et donc du coup j'ai acheté un nouveau PC pour qu'il puisse tenir le Red Dead 2. Mais je me suis dit ça fait chier, je dois attendre un an. Et il y a beaucoup de jeux aujourd'hui. Par exemple, Spider-Man 4, qui est sorti sur PS4. Ouais. Pour moi, ça doit être un des meilleurs jeux adaptés de Marvel actuellement. Et je suis dégoûté parce qu'il sort que sur PS4. Et je n'ai pas envie. Moi, contrairement à toi, Jay, c'est un peu moi, le sens inverse. C'est quand on me dit, t'es obligé d'acheter telle console pour acheter un jeu, ça me dégoûte. J'ai plus envie de jouer au jeu parce que je me dis, non, je veux pas être obligé d'acheter une console pour pouvoir jouer à un jeu. Le jeu devrait être dispo pour tout le monde, quoi. Peut-être que la différence, en fait, c'est que moi, mes jeux de base sur lesquels je reviens toujours, qui sont WoW et ce genre de trucs, ces catalogues-là, seront toujours sur PC, enfin, a priori. Ouais. Et que du coup, quand il y a un jeu console qui me fait envie, bah, c'est vraiment un très ponctuellement, bah, typiquement God of War, un Devil May Cry qui sort quand même sur PC la plupart du temps aussi, mais c'est ce genre de jeu, et que c'est vraiment... C'est une fois tous les 3 ans, donc... Non, mais une fois tous les 3 ans, tu vas acheter une console. Ça me fait un peu chier, quoi. Tu vas acheter une console, alors, une fois tous les 3 ans. Ah non, mais je l'achète pas. Après, la PS5, peut-être, tu vois, mais j'ai pas acheté la PS3 ni la 4, hein. J'en suis pas mort pour autant. En fait, moi, je sais que ça me choque pas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les exclus, c'est la seule bonne raison, enfin, bonne entre guillemets, qui te fait choisir une console. Parce que, techniquement, bon, à part Nintendo, qui, eux, sont rarement sur la course à la technique, ils sont plus sur... Qui, pour le coup, fait le plus d'exclus. Oui, mais sur les cartons. Justement, je veux dire, ils sont plus sur sur une bibliothèque précise. Mais tu as toujours pas encaissé les Nintendo Labs. Mais c'est fini, Nintendo Labs, non, ils sont morts ou pas? Les cartons, c'est fini. C'est... Ouais, voilà. Ah, ça va être génial, il y en aura partout. Plop, t'es disparu, il y en a plus. Mais voilà, mais c'était sûr, en fait. Voilà. C'était sûr. Benjamin, le visionnaire. Ouais, oui, bah, voilà, c'est ça. Ça va trop marcher. Ben, si tu nous regardes. Donc, que je disais, ouais, je crois qu'à l'heure actuelle, en tout cas, enfin, quand je dis à l'heure actuelle, en vrai, c'est depuis la PS3, j'ai envie de dire, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, à peu près, je pense que les exclus, aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu vas choisir une console, parce que techniquement, elles se valent plus ou moins toutes. Encore une fois, on exclut Nintendo du truc parce qu'ils ont une vision différente. Quoique techniquement, c'est oui, pas dégueu. T'as que Xbox et la PS, quoi. Ouais, Xbox et PlayStation, oui, qui tentent de rivaliser parfois avec le PC. C'est pour ça qu'ils ont des exclus, parce que sinon, les gens, ils ne joueraient que sur PC, sur les jeux qui existent sur les 3, ils jouent sur PC. On va y revenir là-dessus après. Non, mais je veux dire, sur les jeux. Là, je parle technique. Ouais, non, mais justement, j'ai. Sur les jeux techniques. Technique, je pense que voilà, à ce qui n'était pas vrai à l'époque de PS2 ou PS, ou parce qu'entre une PS1, une Xbox, une GameCube, PS2, qui à l'époque GameCube avait techniquement était au-dessus sur Terre. L'époque PS2, Xbox, GameCube, on était vraiment sur 3 machines différentes avec des structures différentes, avec des graphismes différents. Et quand on remonte encore avant, SNES Mega Drive, c'était pareil. On avait un meilleur chip son sur la Super Nintendo, mais on avait des choses qui étaient meilleures techniquement sur la Mega Drive. Il y avait des vrais arguments, il y avait une différence entre les machines. C'est que sur console, à l'époque justement là, enfin la PS, on va dire PS1 et ce qui était avant, c'était des jeux tellement différents de ce que t'avais sur PC, enfin je trouve en tout cas. Bien sûr. Que alors je dis n'importe quoi, mais genre un Suikoden par exemple ou un Breath of Fire ou un truc comme ça, tu trouvais pas ça sur PC en fait. Non, je suis pas. C'est pour ça que moi j'ai. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Hein. Jouer aux consoles au moment-là, Mega Drive, PS, Super NES, je jouais que sur console. Mais bah, et après, depuis, il faut grand, je joue sur PC, quoi. Il faut différencier le. Des fois, il y a des exclus qui sont dus aux spécifications. Enfin, tu vois, il y a des jeux qui jouent en clavier souris. Et donc, forcément, ce sera une exclu PC parce que, on va dire que l'architecture du jeu fait que. Oui, mais maintenant, t'as les consoles et t'as les souris sur. Oui, oui, c'est ce que je dis aujourd'hui. Les manettes sur PC et les souris sur console. Donc. Ouais, enfin, des souris sur console, c'est rarement utilisé, mais oui. Là, moi, ce qui me vient à l'idée tout de suite, là, c'est soit les point and click, soit les FPS. Encore une fois, quand je parle de ça, un FIFA, tu vois, un FIFA. À la base, personne PC, tu jouais à Football Manager et sur console tu jouais à FIFA. Et personne ne jouait à FIFA sur PC à l'époque où t'avais pas de manette pour PC, quoi. En gros. Non, bien sûr que non, je suis parfaitement d'accord. Ou des jeux. Il y a eu des tentatives de point and click sur console, type Chevalier de Baphomet, qui était très bien. Mais on voit bien que le jeu était pensé pour une souris, quoi. Donc, c'était pas une exclue. Non, ils auraient pu la sortir en exclue. C'est ce que je dis. Mais ça n'aurait pas eu d'intérêt, puisque je pense que là, c'était plus pour faire découvrir ce type de jeu aux consoleux comme et c'est justement après que ça s'est démocratisé, justement, c'est-à-dire que par la suite, au-delà de la PS, à partir de la PS2, PS3 même, là on a commencé à avoir de la vraie démocratisation. On pouvait trouver n'importe quel type de jeu sur n'importe quel type de machine. On pouvait jouer à des FPS sur console. On pouvait jouer à des... Bon, après il y a eu des tentatives aussi. Maintenant je dis ça, je me rends compte qu'il y avait quand même des SimCity sur SNES ou des choses comme ça, quoi. C'était nul, personne n'y jouait vraiment. Je me rappelle du thème hospital sur PlayStation. Bah oui, qui tu sentais que c'était fait pour le PC. C'était fait pour jouer à la souris, quoi. Mmh. C'était jouable, mais bon. Même Thème Park, qui est sorti sur PlayStation le, aussi. Le Diablo 1. Ouais. Diablo 1, qui était... Diablo 1, ouais. En plus, il était tout moche, tout... Mmh. Mais il était dégueu, et c'est là qu'ils ont mis, d'ailleurs, je crois, justement, la première souris sur PS1, non ? C'était horrible, je crois. Je sais pas s'ils l'ont fait spécialement pour ça, mais ce que je sais, c'est que c'était pas jouable, quoi. Mmh. D'ailleurs, après, bah, maintenant, il y a Diablo 3, il est sur PS3, PS4, je crois, non ? Oui. PS4, je pense, parce que la 3 PS4, c'est peut-être compliqué. Mais moi, c'est ce que tu disais juste avant, c'est les exclus, en fait, c'est... Ça fait un peu genre, t'es pas sûr de la qualité de ton produit. Je m'explique. C'est quand tu... Quand, si t'es un patron de boîte, genre, je suis patron de Sony et je me dis, je vais sortir tel jeu en exclu sur ma console, c'est parce que je pense que si ce jeu-là, enfin, pas le patron de Sony, mais le patron d'un studio, se dit, si je sors ce jeu-là sur toutes les consoles, bah, y a des gens qui vont aller les tester sur d'autres consoles. Et donc, du coup, c'est un peu un aveu de faiblesse en se disant, bah, ma console est peut-être merdique par rapport aux autres, donc du coup, je vais jouer la carte de l'exclu comme ça. Donc, c'est un argument de vente. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est un argument de vente. Mais c'est un argument de vente un peu faible, quoi. Alors, ça dépend. Je dirais qu'il y a d'un côté les arguments de vente et après, d'un côté, des arguments identitaires aussi. On ne pourra jamais trouver un Zelda ailleurs que sur Nintendo, ou Philips en l'occurrence, mais enfin, on ne pourra jamais jouer à un Zelda ailleurs que sur... Enfin, le Zelda sur CDI, bah, on ne comprend pas. Hein. Tant pis pour eux, je veux dire, c'est une réalité dans la vraie vie, quoi. Ouais. Mais voilà, il y a des jeux ou des jeux type Donkey Kong, enfin, il y a des licences qu'on ne pourra jouer après, plus sur... Après, c'est des IP internes aussi au studio de Nintendo, ou de, tu vois. Uncharted, ça appartient à Sony. Oui, mais c'est ce que je te dis. Voilà. Après, moi, je vois mal jouer à un Uncharted ailleurs que sur PlayStation, juste parce c'est un emblème, entre guillemets, ou comme... Oui, mais c'est ça, c'est comme Halo sur Xbox. Sur mais c'est ça, c'est juste une histoire identitaire. Techniquement, ça pourrait être faisable. Mais je sais pas, moi, c'est comme... Mais c'est pour que demain, donc encore une fois, on en revient à l'argument de vente. C'est pour que demain, le mec qui kiffe Halo, qui kiffe... God of War, il aille direct. Ça veut dire, il se pose même pas la question. C'est, il a acheté une fois une Xbox et toute sa vie, il rachètera des Xbox parce qu'il veut avoir tous les Halo et tous les, je sais pas ce qu'il y a comme autre exclu Xbox là comme ça. Oui, non, je suis d'accord, mais il y a je veux dire, au-delà de l'argument sur Xbox, Gears of War, il existe sur les autres machines. Gears of War, PlayStation. Gears of War, voilà. Bah non, il est sur PlayStation, Gears of War. Non. Mais non. Non. Sur PC, oui. Non. Halo, il est aussi sur PC, mais je veux dire. Non, c'est Microsoft de base. Non, mais voilà, c'est pour dire que oui, au-delà de l'argument commercial, je pense, qui sont intrinsèquement liés. J'ai utilisé le mot intrinsèque. Vous avez vu ça ? Non, c'est pas grave. Balèze, hein. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai utilisé. qui sont intrinsèquement liés, voilà. Congo lexicomatisation des lots du marché. Je sais plus ce que je voulais dire. Il y a l'identité aussi. Voilà, qui sont liés. Enfin, l'exclu commercial est souvent lié à une exclu identitaire. Je joue à ce jeu sur Xbox parce que je sais qu'il n'existe pas ailleurs. Et de toute façon, je crois que s'il existait ailleurs, j'y jouerais peut-être même pas ailleurs. Tu vois ? Moi, j'avais lu un mec sur Twitter qui disait Vous les ronds de cuir, vous les PC Master Race, donc j'en fais partie clairement, vous êtes pas chiés quand Spider-Man est sorti en exclu PS4, et je suis le premier à être dégoûté, vous avez râlé, mais quand les jeux sortent sur PC en exclu, vous dites ah bah c'est normal, c'est pas un jeu de consoleux et tout ça. Alors déjà, en effet, il peut y avoir des jeux conçus pour le PC et pas pour la console, ça c'est techniquement comme je disais. Je suis d'accord. Voilà, donc ça c'est parce que même si les machines se ressemblent toutes aujourd'hui, surtout depuis la première Xbox, mais là, c'est un autre débat, tu vois. Le PC versus les consoles, on parle pas d'une console en particulier versus tous les autres, plus le PC. Là, c'est vraiment les PC versus les consoles. Pour moi, c'est pas vraiment une exclue dans ce cas-là. On peut sortir une exclue console, une exclue PC, mais là, on parle de jeux qui sont de plus en plus développés forcément de manière à ce que ce soit cross-platform, mais qu'on sort pour des raisons marketing sur une seule console, alors qu'elle pourrait être... Peut-être qu'elle pourrait pas sortir sur PC, ok, mais elle pourrait sortir sur toutes les consoles. Mais en fait, on choisit une console. Et donc oui, là, bah, pour le coup, c'est vraiment du marketing. Et pour moi, quand on sort sur toutes les consoles et pas sur PC, limite, c'est pas une exclue, en fait. C'est juste une exclusion du PC ou du monde console. Mais après, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a des jeux qui sont clairement développés, ou même pas forcément clairement développés pour PC, mais qui sont plus jouable ou c'est un problème de taille aussi maintenant. Oui. Avec le cloud gaming, ça va changer, mais aujourd'hui, il y a Star Citizen ne pourra pas sortir en 23 Blu-ray PS4, tu vois. Non, je suis d'accord. Mais à l'inverse, il y a aussi des jeux qui sont clairement faits pour jouer sur console. Je pense à tous les party games ou tous les jeux musicaux ou les jeux de danse ou les trucs comme ça. Alors ça existe, hein. Je sais qu'il y a des tapis de danse qui peuvent se brancher sur PC. Il y avait SingStar sur PC. Mais c'est pas terrible, quoi, tu vois. C'est le but du jeu, c'est quand même de, enfin, sur ce type de jeu là arrêtez-moi si je me trompe, dans ton salon avec tes potes en mode convivial, assis sur un canapé, les bières posées, alors que le jeu sur PC était en mode plus c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est en mode un peu plus travail, quoi, tu vois, genre t'es assis en position de combat au bureau, t'es plus tryhard, t'es moins détente, alors que voilà, sur ton canapé t'es en mode. Alors, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont hardcore gamers, tryhard de ouf sur leur canapé. Hein. Oui. Mais et dire, des gens qui jouent à leur PC sur leur canapé. Oui, je suis d'accord aussi. Mais je veux dire, ça, c'est à la marge, quoi. C'est pas ce pourquoi les jeux ont été faits à la base. Quand tu penses à, je sais pas moi, un Guitar Hero, un Rock Band, un Donkey Kong, j'en parlais tout à l'heure. Un Mario Kart. Ok, tu pourrais jouer en multi, en réseau. Mais le but du jeu, c'est d'être là avec tes potes sur un canapé et partager, quoi. Ce que tu peux pas faire devant un PC, c'est un peu con. Donc je pense que j'ai souvent le genre, ce même genre d'argument quand je parle des FPS manière générale avec des collègues ou des potes ou quoi. Et pour moi, en fait, je n'arrive pas à imaginer qu'on joue à un FPS sur console, en fait. Parce que pour moi, le FPS mécaniquement, tu vises avec ta souris, en fait. Enfin, je sais pas si exactement. C'est le plus simple du monde, en fait. Pour pas avoir besoin d'une assistance à la visée de bâtard qui bloque le truc, même si tu tires à 12 mètres à côté, quoi. Même si GoldenEye 007 sur N64 est pour moi un des meilleurs jeux de la console et même un des meilleurs FPS de tous les temps, encore aujourd'hui je me dis de tous les temps peut-être pas mais je suis quand même mais encore aujourd'hui je me dis comment on a pu jouer à ça, mais c'est pas naturel, en fait. Ouais, c'était impossible. En plus avec cette manette. Un joystick dégueulasse. En plus avec cette manette avec le truc asymétrique là, deux joysticks, fallait les deux jaunes asymétriques et les deux voilà. Mais en tout cas voilà, donc les exclus, il y en a sur console, sur PC de ça, et aussi je disais tout à l'heure, il y a pléthore de downloaders aussi maintenant, Epic, Steam, les launchers, tout ça. Récemment, il y a EA qui a sa plateforme Origin, c'est Origin, qui a décidé de filer. Qui est la pire du monde. Ouais, qui est la pire du monde, qui plante à peu près un jour sur deux, et qui a décidé de filer quelques jeux à Steam en se disant tiens, la politique, ça a été toujours, nos jeux sont sur Origin, point. Et là, récemment, je sais plus quel jeu, ils avaient dit, on en avait parlé dans une autre émission, ils en ont filé quelques-uns à Steam en disant ce serait bien que des gens jouent à nos jeux, pas que des gens qui sont sur Origin, tous les autres gamers, en fait, les 2 milliards qui sont, un milliard qui sont sur Steam. Borderlands 3 aussi dispo sur Steam depuis deux jours, alors qu'il était une exclue Epic. Ça, pour le coup, est-ce que stratégiquement un éditeur aujourd'hui peut se passer d'une sortie Steam ? C'est quoi l'intérêt ? Epic, oui. Parce que Epic est. Epic et Collegram. Déjà. mais que Epic a un pouvoir immense sur le marché de toute façon, alors que EA, tout le monde, enfin, malgré tout, tout le monde en crache un peu dessus de base. Et c'est vraiment des jeux, enfin, c'est des jeux hyper niche. Moi, de ce que je me souviens sur Origin, c'était genre c'est pas les Sims, mais FIFA, ouais, ou les civilisations, enfin, c'est des trucs super, assez niche quand même. Mais Epic, Steam, t'as vraiment Epic, tout c'est... et n'importe quoi. Epic, c'est niche aussi. Sur Epic, il y a quoi? Fortnite? Oui, mais le truc, c'est que Epic, c'est encore relativement récent. Parce qu'ils ont lancé leur Epic Store il y a, n'importe quoi, un an, peut-être, un an et demi, tout pété. Et qu'au fur et à mesure, ils rajoutent des jeux gratuits dessus. Enfin, ils font des exclus, enfin, comme tout le monde, des jeux gratuits pendant tant et tant de temps. Mais, je sais pas, moi, ça me choque pas, en fait. J'utilise quoi? J'utilise Steam. J'utilise pas Epic Games parce que je m'en bats les couilles, mais Epic Store, pardon. Steam et GOG. Pour les jeux, c'est les projets et tout ça. C'est bien. Ouais, bah, mais sinon, moi perso, j'ai quoi? J'ai Steam comme tout le monde. On en avait déjà parlé dans une autre émission, ouais, sur les j'ai donateurs. Steam, j'ai Epic, mais pour. Je joue à Fortnite. Oh là là, je joue à Fortnite. Non, je joue Fortnite. Il joue à Fortnite. J'en ai parlé avec Juju l'autre jour là. Il joue à Fortnite. Fondy, aide-moi là, Fondy. Réponds, envoie-moi un message sur le chat. Pokémon aussi. Bleu. Non, le jeu Clash of Clans. Mais non, le jeu en mode Monster Hunter là. Plante versus zombie. Nicky, ah non, ça c'est sur Origin. Je sais plus lequel c'est le jeu là. Ouais, bah c'est bien en tout cas. Monster Hunter peut-être, non? Mais non, mais c'est pas Monster Hunter, mais c'est un Monster Hunter like gratos, voilà. Ah bah voilà, c'est un jeu mobile. Ah, Dauntless. Dauntless, merci Jay, voilà. Donc je l'ai installé pour ça. Mais sinon, ouais, j'ai Origin. Jouer à ce jeu, par contre, il est illégal. Bah là, ça fait longtemps qu'on a peu joué, d'ailleurs, je jouais avec Fonzie pour l'occurrence, pour la référence. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, non, je jouais à. J'avais Uplay aussi pour les. Comment ouais, ça ouais, Assassin's oui, Creed. Mais alors, ouais, on va pas ouais, parler bah, Ubisoft, oui, hein, parce que... ouais, pour Ubi, c'est tout. Bah, de toute façon, c'est le truc de Ubi. Donc... Ouais, mais voilà, mais sinon. Ils font chier aussi, tu vois. Tu peux pas si, mettre après, ça sur. Sur si, justement, sur Epic, ils ont filé un Assassin's Creed gratos, là, je sais plus lequel ouais. C'était. Le Black Flag. Non, pas Black Flag. Celui d'après, celui d'avant. Le 4, non Non, je sais plus, c'est celui où il y a les rebelles, là, comment ça s'appelle. Je sais plus. Bref, on s'en fout. Ouais. Et voilà quoi. Donc ouais, mais personnellement, voilà, 99% du temps, je suis soit sur le launcher de Blizzard, soit sur le launcher de oui, Steam. Oui, en gros, s'il n'est pas sur mais Steam. Mais ça, c'est pas payant en fait. Enfin, en fait, moi, ça me pose pas de problème parce que de toute façon, à aucun moment, c'est payant. Non, mais t'as, donc, t'as par contre, effectivement, choisir entre une console qui vaut 500 balles et te dire putain, je suis la seule personne à vouloir jouer à ce jeu, et il faut que je mette 500 balles pour ça. Ça fait chier quoi. Ouais. Oui, mais pour répondre à la question de. Ah, oui, un downloader, c'est moins chiant que voilà, de devoir acheter une console. Pour répondre à la question de JV qui disait c'est quoi l'intérêt ? Est-ce que c'est bien que les gens ils aillent sur Steam pour qu'on joue à leur jeu ? Ah, mais toi, si tu cherches à répondre aux questions, t'as pas terminé, mon gars. Bon, allez, on va passer à la suite. Voilà. Je vais citer vite fait des gens sur Facebook qui nous ont répondu aussi. Max qui nous dit Sony, ils font toujours des exclus. La Xbox, un peu moins, mais c'est ce qu'il faut. Attends. Mais c'est ce qu'il a écrit tellement mal sur sa feuille qu'il n'arrive pas à se relire. Mais c'est ce qui fait que tout le monde a kiffé Halo, par exemple, en réseau. Et puis pour Nintendo, c'est surtout des exclus. Va jouer à Zelda sur PS4. Ah, c'est ce que je disais. Voilà. Et Juju. Mais pourquoi en fait Zelda, ça serait pas sur PS4 pour bah, clairement. parce que c'est juste, ce que je disais fait, tout à l'heure, c'est une gens, histoire d'identité, ni plus voilà, ni moins. Ouais, c'est dans la tête des gens. C'est... Oui, non, mais sinon, techniquement, ça marcherait tous les jours. Exactement, bien sûr. Exactement, c'est juste une histoire d'identité. Calmez-vous, nous sommes tous d'accord. Okay moi, je suis team Nintendo, moi, je suis une team Mega Drive, et moi, je suis team Dreamcast, nique vos mères. Je suis team joueur. Juju qui n'est pas là, mais quand même, il nous dit que des exclus, c'est un modèle bienvenu pour les joueurs. Bienvenue carrément. Nécessaire pour les fabricants. Bienvenue. The Last of Us vaut à lui seul l'achat d'une PS3. Voilà. Ah, pardon. Non, mais non. J'ai toujours pas fait The Last of Us, mais il faut vraiment que je le fasse. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Non, mais. Oh mon dieu, quoi. Ah, j'ai tellement de collègues au taf qui sont hypés par le 2, mais j'ai vu tout le scénar du 1, j'ai envie de mourir, quoi. Mais c'est toi, t'es un con, toi. Mais non, mais. En fait, tu joues à un jeu pour le scénar, mais il y a un bouquin au pire. Enfin, je sais pas. Le reste du jeu, il aime les jeux vidéo, lui, ou comment ça se passe? Non, mais il aime les. Mais il se passe rien. Il aime c'est nul. Il se passe rien. Tu crois vraiment? Il y a un scénar de malade. Il y a un background de ouf. Il y a des. Ouais. Bah, je répète ce que je viens de dire juste avant. Si tu joues, enfin bref. Ouais, ou voilà, ta gueule. Ah, t'es mauvais. Ok, ok, bah du coup. Je sais pas ce qu'on va faire après parce qu'il n'y a pas la chronique TechPaf normalement. Et ben on va continuer ce débat. On chante une chanson. On va chanter une chanson a cappella. Ah non, on va parler on va parler du clash pour la prochaine. Ah oui, le truc. Le truc, exactement. On va parler du cruc. Du coup, merci pour ce débat, messieurs. On passe au cruc. Et comme je n'ai pas de jingle pour ça, je vais mettre ce jingle là. Tu vois, celui-là. GameTrip.net, la référence des jeux vidéo oldies. Suivez-nous également sur GameTrip.net. www.GameTrip.net. GameTrip.net. Alors pour les gens qui n'ont pas la couleur, pourquoi je mentionne à chaque fois je vais mettre ce jingle, on écoute ce jingle, parce que normalement on ne le fait pas en radio évidemment, tout simplement parce que Jay n'a pas le retour de la table dans et son oui, casque. Il n'entend pas les jingles. Il ne nous entend que nous. Donc si je ne lui dis pas que je lance un jingle, eh bien il risque de parler comme un gros con sur le jingle. Donc voilà, je le précise pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent depuis l'Afghanistan. Parce qu'on ne pense pas et à je eux. Je vous en remercie, messieurs. Voilà, pas de problème. Sais-tu qu'il y a des gens qui nous regardent de Laos également. Je me permets de rebondir pardon, sur le chat. Il y a plein de gens qui nous ont. Oui, alors lisons un peu le chat. Mais comme on est décalé, tu sais, qu'ils nous répondent. Comme on est déconnecté de la réalité aussi. Voilà, il y a. Depuis qu'on est riche. Il y a Tourche qui nous parlait de. Avec la YouTube Money. Il y a Tourche qui nous parlait de Mario Paint qui se joue à la souris sur console et c'est vrai que c'était. Moche. Bizarre, mais c'était pourquoi pas. Il y a Juju qui nous parlait d'une exclue que j'adore personnellement, c'est Soleil sur Mega Drive. Et Fonzi qui nous disait le carton maintenant c'est pour allumer les barbecues quand on parlait du Nintendo Labo. C'est vrai. Voilà, voilà. C'est vrai que c'est la seule bonne utilité qu'on en avait trouvé. Ouais, bon, voilà. Bah, c'est de la merde. Et puis là, il vient de me répondre Dauntless, mais Jay avait anticipé. Ouais. Et il y a Martine qui nous dit. Qu'elle va à la montagne. Non, qui nous dit, je te laisse ton numéro 06. Ah non, c'est un SMS que tu viens de recevoir, pardon. Ah oui, non. Non, excuse-moi. Ah oui, c'est... Ah, oui, mais c'est... Alors, je vais tomber le PQ. Alors, on parle de... pas de chronique, donc ce mois-ci, en attendant le retour de la chronique à musique... Ah, il y a Tourche qui disait, pardon, que le carton peut aussi servir à faire une armure anti-coronavirus. D'accord. Voilà. La chronique... Merci, Tourche. La chronique musique reviendra la semaine prochaine, normalement. La chronique Tech Paf reviendra peut-être aussi la semaine prochaine. Il y aura peut-être... Ils se sont pété les jambes. Peut-être, peut-être. Inch'Allah. Non, je veux dire... Vous avez qu'à être là. Et donc, du coup, on avait fait le truc 2020. Le truc, c'était le tournoi rayonnant de l'ultime console. Le grand, grand concours, puisqu'on avait fait l'année dernière le grand concours de votre jeu préféré de tous les temps. C'était Sonic. Premier du nom qui avait gagné l'année dernière. Et là, on a fait pendant deux mois, on a fait la console de tous les temps. Il y a eu 32. Il y a eu 32 consoles qui sont affrontées dans plusieurs poules. Et puis, à la fin de ces deux mois de débat, la PlayStation que je viens de ressortir, qui trône juste ici derrière moi, justement pour te foutre un petit peu le sable, comme on dit. Hein, la PlayStation est donc sacrée grande gagnante comme la console de tous les temps, selon vous, selon les lecteurs. On revient d'abord sur les poules. Je ne parle pas des animaux. J'allais dire KFC ou bien comment voilà, ça se passe. Certaines consoles étaient volontairement dans un groupe lié non pas à leurs vraies caractéristiques, mais à leur positionnement marketing, on va dire. Donc voilà, des fois il y a eu des petits débats sur oui, mais celle-là elle est pas 8 bits, elle est 16 bits, machin. Oui. Je vous emmerde. Donc il y avait 6 groupes en gros classés par âge de la console, les 8 bits, les 16 bits, les 32 bits, les nouvelles, les très vieilles. La Game & Watch a survolé ses concurrentes dans son groupe des vieilles consoles avec 77% de votes contre l'Odyssée, Pong et le Color TV Game. Bon, un peu normal parce que c'est la seule un peu connue, on va dire, dans le tas. Dans les 8 bits et assimilés, la NES et la Master System, là aussi, se sont qualifiés haut la manette, avec 38 et 34% de leur groupe. Il y a eu très peu de votes, pour le coup, pour l'Atari 7008 et l'Atari 2006, et la ColecoVision. Qui était pourtant ma première console. Hein, ouais. Alors moi, c'était pas la 7008, c'était la... La 5002 5000, celle avec les lattes en bois, c'était laquelle 2006, hein, moi j'avais la... Celle en bureau de noyer de PDG. C'est ça. Dans la poule à 4 équipes, la PlayStation. Pour de payer tout court, mais ça c'est un autre problème. Ah, homophobe. Encore. Ça, c'est pour Fonzi. Non, c'était pour Fonzi là. Ça va. Ah, pourquoi il répond encore une fois? Je sais pas. Ah, Tourche dit qu'il est très déçu du résultat du truc aussi. Et bah, fallait mieux voter c'est la prochaine honteux. Fois. C'est honteux. Vous avez qu'à voter dimanche si vous n'avez pas envie de voter. T'avais voté pour qui, Tourche? Dis-nous. Dis-nous dans les commentaires pour qui tu as voté. Vas-y, bosse toi ta gueule. Dans la poule à 4 équipes, la PlayStation 93% a défoncé la Saturn, la 3DO et la Jaguar. Le combat a été serré aussi jusqu'à la dernière seconde dans la poule à 2 équipes qui opposaient la N64 et la Dreamcast. La Dreamcast s'est qualifiée, je trouve que là c'est un scandale. À 54% seulement, c'était très serré. Et puis enfin, dans la dernière poule, celle avec le plus de consoles mythiques, la SNES et la Mega Drive sont arrivées en tête ex aequo avec 35% chacune. Quelques votes aussi pour la Game Boy, aucun pour la Lynx, aucun pour la Neo Geo, le Game Gear. Qui avait la Lynx? Un vote pour le PC Engine quand même. Ouais, j'avoue, la Lynx. J'en ai vu une fois dans ma vie, mais c'est tout quoi. Eh ben, on remarque que pour la Dreamcast, ça a été serré à chaque fois. C'est la console qui arrivait en finale en ayant eu, parce qu'elle était en finale, en ayant eu le moins de votes à chaque tour. Elle a éliminé déjà la N64, ce qui est scandaleux. Ensuite, elle a. Sega. Elle s'est difficilement qualifiée pour la suite, puisqu'en demi, elle a battu la Saturn. Easy, 69%. Et donc en finale, la PlayStation est la console de tous les temps. Le podium final, c'est donc la PlayStation à 41%, la SNES à 29%, la Dreamcast à 24% et la Mega Drive à 6%. Est-ce que vous êtes surpris je suis assez d'accord. De ce résultat pour moi. J'aurais juste viré la Dreamcast et j'aurais mis la Saturn, mais bon après. Bah moi j'aurais mis la 64 à la place de la Dreamcast. Donc. Mais non, la Saturn, il n'y a pas de jeu dessus. Mais juste pour Shining Force 2, mon gars. Panzer Dragoon et Virtua Fighter. Allez, et ça après. Eh ben oui, ben ça suffit largement. Ah si, il y avait House of the Dead. Est-ce que tu veux qu'on en débatte en vrai? Attends, il y avait. Que je me ramène à. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Je te tire les cheveux direct. On n'est pas là, mais vas-y, viens. Ouais, ceux qui n'ont pas la vidéo, qui savent pas quoi ressemble Jay, ils ont pas la bonne. Oui. On mettra. Bah si, il y a la photo de Laurent Saïm Jay sur un côté en bas. qu'est-ce qui. Je vois des bits partout. Ouais, pourquoi il met ça là? J'entends des bits partout. Ça c'est Fonzie parce qu'il a un gros Pokédex. D'accord. Macron. Oui. Et alors lui il a voté pour Macron. Ah oui, il a voté pour Macron. D'accord. Apparemment. Ok. Macron à 41%. Bah, moi, en vrai, si je suis parfaitement, PlayStation, oui. Si je suis parfaitement honnête. Ce que tu n'es pas. Pas surpris que la PlayStation arrive. C'est. Merci. Non, je suis pas surpris. Je suis pas content, mais je suis pas surpris que la PlayStation arrive. Parce que elle avait une ludothèque incroyable et que les jeux étaient gratuits. Donc voilà quoi. Les jeux étaient gratuits. À un moment donné, à cette époque, les jeux étaient gratuits. Michael, bravo. Non mais ce qui fait que si on est honnête, 229 francs. C'est mais marqué. Toi, t'étais con, toi. Regarde, 229 francs, ouais, c'est marqué là. Je suis d'accord, mais toi, t'étais con. Tony sur PSX non, vendu si par Stock honnête, Games. Si on est honnête. C'est normal que la PlayStation arrive en haut du podium La ludothèque a été incroyable, il y avait un peu un tout n'importe quoi sur cette. Et elle a duré très longtemps. Elle a duré longtemps et surtout elle a bénéficié d'une chose qui est certes totalement illégale mais qui a fait que beaucoup Final de gens Fantasy ont joué à beaucoup de jeux grâce à. Vraiment? Ah mais bien mais sûr. Vraiment, tu penses vraiment? Ah je pense très sincèrement que ça a aidé je la console. Je pense pas que le hack de la PlayStation a. Ah, moi je pense que ça a aidé. Alors pas au vote hein, mais au fait que les gens ont pu accéder à énormément de jeux et a pu faire ce qui n'était pas le cas avant. Parce que moi avant, tous mes potes avaient une PlayStation comme moi et personne d'entre nous n'a jamais. Vous étiez des riches les gars, c'est ce que je te dis. Ouais ou on était cons votre. Parce que j'avais su à l'époque. Moi c'est tout l'inverse, tous mes potes avaient une. Voir console. Les deux. Tous les potes avaient une console PC. La différence qui s'est passée, même pour moi personnellement, la différence qu'il y a eu entre la PlayStation et la Mega Drive, qui était la console que j'avais avant, c'est que sur PlayStation, j'avais un jeu toutes les semaines différentes si je voulais, et sur Mega Drive, j'avais un ou deux jeux par an, et après, on se les prêtait entre nous. Quoi. Ce qui fait que j'ai pu jouer, et mes potes aussi, à énormément de jeux, et ce qui m'a fait que c'est je pense la genre, PlayStation attends, le mec qui dit j'ai joué à énormément de jeux par contre il a pas touché à FF7 quoi non, à l'époque bien. Bah oui mais attends il y avait énormément de je jeux quitte cet établissement je me à l'époque j'aimais pas les FPS à l'époque les FPS qu'est-ce que je raconte à l'époque j'aimais ouais, pas les RPG je tour vraiment par débarqué tour, à Amnéville mon gars ça j'aimais pas les jeux tour par tour à l'époque mais j'ai joué à énormément de jeux à je sais pas combien de jeux de bagnoles différents à oh mon dieu mais qu'est-ce que j'entends mais le mec qui joue à des jeux de bagnoles de FF7 mais putain mais oh là là là. Je dis qu'il est entièrement d'accord avec moi, merci mon ami. Mais où est-ce qu'on est? Mais c'est pas possible. Chez Game Trip. Mais attrape Game le Trip coronavirus, vas-y s'il te plaît, fais-moi plaisir. Tourche, par exemple, Tourche dit que grâce à la console pucée, on a pu jouer à un jeu que très peu de gens ont joué, c'est Pepsi Man, voilà. Ou Soft Porn Aventure. Ah voilà, putain. Effectivement. Non mais voilà, je pense que ça a joué énormément dans la popularité de cette console. Plus que sur les autres. Et en vrai, si je suis aussi honnête, c'est la Dreamcast. Elle avait aussi un hack qui permettait d'avoir des jeux piratés, entre guillemets. Ce qui nous a aussi permis de jouer à beaucoup de jeux. Mais pour moi, la Dreamcast, et c'est pour ça que j'ai voté pour la Dreamcast, c'est que c'était la dernière console de Sega. Que pour moi, j'étais un gros fan de Sega. Et surtout que la console était pleine de promesses, pleine d'avancées technologiques ultra novatrices et voilà quoi ils ont vraiment mis tout ce qu'ils avaient chez Sega pour sortir la Dreamcast. Moi elle m'a marqué alors que je l'ai jamais possédée à l'époque hein. Je l'avais pas cette machine alors que j'avais la PlayStation et pour moi la Dreamcast c'était un rêve qui s'était réalisé et ils sont partis avec panache quoi quand Sega ils sont partis avec ça ils se sont dit c'est bon on a fait tout ce qu'on pouvait faire on partira avec on laissera une image de nous avec cette console dans la mémoire des gens. Faut bien se souvenir aussi que du coup, ils ont quitté la scène avec cette console. Et ben c'est la meilleure façon de non, quitter oui, la scène. D'accord, c'est peut-être la meilleure façon, mais ça veut bien dire que cette console était un échec. Sinon, ils n'auraient pas quitté la scène. En fait, elle n'a pas été un échec commercial à proprement dit. Ils se sont fait manger par la PlayStation 2. Par la puissance de la PlayStation 2. Ils n'avaient pas prévu. Pas par la puissance, puissance techniquement, non, mais. Mais par la popularité de la PlayStation 2. Parce que justement, ils avaient amassé une énorme sympathie par rapport à la PlayStation. Et les gens, quand ils ont appris que la PlayStation 2 allait sortir, ils ont dit on va pas acheter la Dreamcast, on va attendre que la PlayStation 2 sort. Mmh. Surtout au Japon, en fait. La console n'a pas été un échec ailleurs qu'au Japon, commercialement. Et au Japon, la console, c'est un échec commercial. Ils se sont dit, si on n'arrive pas à la vendre chez nous, ça sert à rien qu'on se bagarre pour la vendre ailleurs. Alors que la Mega Drive, c'est ce qui l'a fait survivre. D'ailleurs, la Mega Drive, c'est qu'elle a été énormément vendue aux États-Unis. Mais enfin voilà, pour moi, la Dreamcast, si je suis parfaitement honnête, c'est normal qu'elle ne soit pas première sur le podium. Mais ça m'attriste. Voilà. Il y a des nazes pour acheter des bien son 3D. Bistec, hein, mais. Mais il a faux. Mais il sait qu'il attend. Oui, t'as vu comment il a. Ah, il a faux. Il défend mais il défend bien. Oui. Non, non, la PlayStation, voilà. C'est une console. Je suis c'est une console d'accord mythique, avec... mais la Dreamcast reste une console légendaire pour moi. Voilà. Je suis d'accord avec le classement légendaire de ce site. Dans le plein sens du mot. Ce une site, légende. Ce site est qui est très bon d'ailleurs, au demeurant, GameTrip.net. Et je dis pas ça parce que j'aurais pu modifier les votes de n'importe quelle façon puisque c'est moi l'administrateur, mais en tout cas la PlayStation mérite, si ce n'est les 54% qu'elle a reçu, au moins plus. Jay, oui, PlayStation aussi, logique avec, tu m'as dit, hein, logique avec ce classement. Ah bah moi sur Play, ouais, il y a tellement de licences que j'ai kiffé. Bah moi qui suis fan de RPG de base, RPG 7 où ça met plus de 100 heures, enfin rien que ça en fait. C'est ouais. Juste des jeux qui m'ont tellement marqué que. Alors moi j'aurais mis Play, enfin mon Play, Mega Drive et Super NES sur le podium. Mm-hmm. Et après. Pareil. Et moi après, 64. On va dire, ouais, peut-être ou 64 ou Saturn, parce que Saturn effectivement, il y a deux jeux, trois jeux que ouais, je c'est kiffe, ça. Mais... Saturne, c'est en plus... Mais 64, peut-être. Ouais. Ou NES, même NES, mais parce que ça a été la toute première console un peu classe que j'ai eue. Mais bon, finalement, il n'y a que Yako qui râle, mais sinon, on est tous d'accord. Hein. Oh, Tourchi râle avec moi. C'est le seul qui aime les jeux mobiles aussi. Oui. Dire, le mec, non, mais, voilà, alors, mais là, donc, finalement... Je ne vais pas revenir sur le alors, débat. Alors, on va passer au tout venant. Vous êtes de mauvaise foi, parce qu'il y a quand même... On va passer à la chronique tout venant. Désolé, Yako. Ah là là, Yako. Ah, le micro est coupé. Ah, le temps de parole est expiré. Tu sais, on c'est... m'informe qu'on n'a plus le temps. Non, c'est les élections. La campagne pour les élections est terminée depuis hier minuit. Putain. Tu ne peux pas parler. Il fait chaud avec ces masques. Hein. Il fait méga chaud. Mais... Bon, eh ben, très bien. Bah, si vous voulez voir tout ça compilé dans un seul dossier, eh ben, vous allez sur GameTrip.net. Et le dernier dossier en date vous parlera de ce truc. On fera peut-être cette année ou l'année prochaine un autre gros tournoi. Alors, on a fait les jeux. On a fait les consoles. Je sais pas. Licence. Les licences, peut-être. Les personnages, voilà. Un débat entre Mario, Sonic, Master Chief, Lara Croft. Un grand poupée moustachu et un hérisson Super Saiyan. Non, un hérisson sous LSD. Hérisson Super Saiyan. Ouais, bah, il l'a été. Voilà. On s'en rappelle tous. On fera ça peut-être cette année, on verra. En tout cas, vous allez sur le site pour voir tout ça. On va passer au tout venant de l'actu. Comme Jack n'est pas là, ça pourra aller un peu plus vite que d'habitude. Oh, c'est pas très gentil, mais c'est vrai. On garde ou on jette. Le tout venant de l'actu. Le tout venant de l'actu. Je fais une marche arrière avec mon camion poubelle. Le tout venant de l'actu, on va rappeler ce que c'est. Pour Jack. Ah, j'allais dire, tu me regardes à moi. Non, je sais ce que c'est. Quand on est une émission de rétro gaming, on va parler aussi des infos non rétro ce mois-ci. On aura un peu de temps. Je vais donner vaguement l'intitulé. Vous allez me dire si on en parle ou pas. Si personne d'entre nous trois veut en parler, bah dans ce cas, on jette à la benne. Pouf. Et puis on en parle pas. Ben, si tu nous entends. Ben, mais il est même plus. Je veux dire, il est plus chronique. Ah, vous êtes drôle, hein. On est obligé de la faire, c'est un gag. Alors, la PS5 a un nouveau brevet qui fait grincer des dents. Le Game Resource Surfacing Platform. Alors non, mais c'est un truc qui utilise Balek. La big data pour pousser aux microtransactions. Balek. What? Alors on va en parler parce que je pense que c'est important qu'il faut qu'on en parle. Non, mais j'ai pas fait de clin d'œil, rien du mais tout. Mais honnêtement, je pense que c'est important qu'on en parle parce qu'il faut qu'on dénonce un peu là. Alors on va dénoncer. Globalement, non, mais c'est en fait, quoi? J'ai pas écouté du tout, c'est pour ça. Mais oui. Globalement, c'est quoi? C'est un brevet. Un brevet de la PS5 qui décrit un système de pay-to-win qui sera distillé au fil du jeu grâce à une intelligence artificielle comportementale. Vous savez, quand on va sur Facebook, quand on regarde certains trucs. Après, Facebook peut vous envoyer des pubs ciblées en vous disant vous avez regardé ça, donc du coup on va vous envoyer des pubs qui parlent de ça et ça parce que c'est ce que vous aimez. Alors il y aura ça dans les jeux, ouais, maintenant. Genre les femmes les plus chaudes de ta région. Exactement. Exactement. Bon, en ce moment, moi c'est cassoulet, PQ, enfin des trucs. Gel hydroalcoolique. Alors le jeu analyserait grâce aux données utilisateurs ce dont on a besoin et en fonction de notre profil de joueur et de où on en est dans le jeu. Le jeu proposerait par exemple un truc du genre, si tu veux battre ce boss, bah faudrait que t'achètes cette armure de ouf, vu que 81% des autres joueurs l'ont utilisé pour battre ce boss. Hein, hein ? Clin d'œil, clin d'œil. Voilà, mm-hmm. Un système qui vendrait aussi en quelque sorte des astuces et des aides de jeu à partir du big data contenu dans les serveurs de Sony. Donc on revient finalement à l'époque où il fallait appeler pour la hotline de cocktail ou pour taper le 3615 tips pour avoir, pour payer, pour finir ton jeu. Voilà. Donc ils feront concurrence aussi de Solus comme nous, quoi, en ligne. Oui, carrément. Est-ce que tu es content de savoir que ton métier est voué à disparaître ? Ah, pff. Bah non, mais en même temps, à partir du moment où les gens auront à payer pour... Oui, bah ils iront voir les trucs gratuits. Directement. Enfin. Mmh. Je... Ouais. Je suis sans mots. Si Jack il avait été là, il aurait été là. Ouais, capitaliste, salaud. Une autre métable, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Mais il aurait eu raison parce que je pense pareil. Nous les jeunes, dans le sens oui, où. Oui, non, mais bien sûr. Bah oui. Comment dire. Là, tu vois, avec ce truc là, l'argent te fait pas le bonheur, mais il peut te faire finir un jeu. Ah quoi, bah tu vois. Ouais. Donc, mais c'est du pay to win plus là. C'est le truc, c'est. Enfin, moi, ma réflexion, c'est toujours. Enfin. Ils ont raison de tenter, s'ils trouvent des débiles qui payent, bah ils ont bien, enfin pourquoi pas, tu vois, okay. Bah il y en aura. Donc ça marche pas et j'espère. Oui, mais ça marchera pas assez pour l'investissement qu'ils font dessus et ils arrêteront les projets. Enfin, j'ose espérer, tu vois, mais ouais, pourquoi pas. Enfin, de leur point de vue, je me dis bah pourquoi pas tester quoi. Ça me choque pas plus que ça. Okay. Moi, c'est pas que ça me choque parce que plus rien ne me choque dès que ça parle de pognon, mais. Auréthan. Non. Mais je veux dire, ouais, on était protégés pendant un temps, puis il y a eu les DLC, puis maintenant il y a ça. Arrête de toucher mon PQ. Bientôt de. Ce que j'utilise après. Et alors, c'est quoi ? Ouais, c'est vrai, je touche avec des gants sales. Bon, bref, du coronavirus sur le poil des fesses. Tu auras le coronavirus, tu auras un point d'entrée particulier. C'est vrai, du coronavirus plein sur les poils de cul. En plus, ça rime, coronavirus dans ton. Ah oui. alors ensuite, Nacon annonce la première simulation de Monster Truck pour l'automne 2020. Simulation de Monster Truck. Attends, de quoi ? De Monster Truck. Ah oui, donc non, moi je pense qu'on s'en fout. Ah oui, non. Ah, j'avais bien entendu, je m'en bats les couilles. Non, je m'en fous. Okay. J'en parle pas. La version PC de Death Stranding sortira le 2 juin 2020. Ah, alors je veux bien qu'on en parle, mais je sais que je finirai par je m'en foutre, mais j'ai ouais. Peur de dire. Ouais, bah, de toute façon, j'ai rien d'autre à dire que le jeu de Kojima, là, que tout le monde a encensé, ouais. Hein, alors que c'est parler, une simulation moi, de FedEx. Ouais. C'est plus qu'encensé, c'est... Ah ouais, c'est du, c'est, du suçage de... C'est voilà. Gobé... C'est un peu de la branlette, non ? Ouais, ouais. Ah oui, grave. Bah, malgré ces critiques de simulation de FedEx et qui étaient justifiées visiblement, et ben ça sortira quand même sur PC aussi le 2 juin 2020. Il y a des centaines de notes très hautes. Voilà, comme à chaque fois qu'il y a eu des sorties de Kojima, hein, de toute façon. À partir du moment où il y a ah mais de toute façon le jeu il est que des notes de ouf parce que ouais. c'est Kojima c'est tout. Voilà. Donc voilà. Dis que c'est de la merde. D'accord. Qui te dit que c'est de la merde ? Tourche nous dit en 5 lettres, pas mieux de la merde. Ubisoft annonce un remake de Trackmania Nations. Vous savez ce jeu de bagnole MMO qui date, qui commence à dater. On en parle ? On peut. Perso, je suis chaud. Ça va sortir. Ça va sortir le 5 mai prochain sur PC. Alors Trackmania, c'était une petite révolution en 2006 parce que c'était le premier jeu, en gros, un des premiers vrais jeux de bagnole MMO. Qui a un peu aussi lancé, mine de rien, le tournoi sportif de bagnole, quoi. Les compétitions e-sport avec ça, c'est un petit peu ouais, démarré je sais pas si c'était vraiment du e-sport, mais effectivement, il y avait des gens qui se tapaient dessus. Au quoi. Début, non, mais. Oui, maintenant, c'est un vrai. Ouais, d'accord. Maintenant, mais ça vient de là, tout vient de là, en fait. Ouais. Du coup, c'était ce qui était bien, c'est qu'on pouvait aussi créer des circuits custom et tout ça. On pouvait se battre avec pas mal de monde en ligne. Je sais plus à combien c'était, mais tu pouvais être. Je sais plus, c'était beaucoup. Hein. Je sais que moi, j'ai pas joué beaucoup à Trackmania à l'époque, mais j'ai joué un peu quand même. Alors, True Story Bro, j'étais dans le ladder, j'étais dans les 15 premiers du ladder français, mais tout au début, putain, quoi. Il se l'a non, mais tout au début en 2006, je non, sais pas. Pendant les 15 premières secondes, pendant la première. Non, les deux premières années, connard. Donc voilà, c'était un super jeu et bah du coup ils ressortent un remake le 5 mai prochain. Voilà. Faudra voir ce que qui sans donne. Doute va être porté par la compétition Trackmania qui cartonne aussi. Porté par la communauté. Qui va pas cartonner puisqu'elle va être annulée, mais oui, ça existe. Elle va être annulée. Bah oui, il y a Trackmania Cup. Ah oui, non, ouais. Mais cette année elle va être annulée, mais c'est pas annulée. Bah en Event Trackmania, le truc de Zerator il n'a pas non plus 15 000, tu vois. Ouais. C'est plus si ouf non plus. Ouais. Et ben tiens, coronavirus, on en parle aussi. Allez, le coronavirus qui a eu raison de Plague Inc. On en a parlé déjà le mois dernier. Chine seulement. En Chine. Est-ce qu'on en parle? Bien sûr qu'on en parle. C'est rigolo. Vous rappelez, Plague Inc. c'était ce petit jeu mobile sorti il y a 5 ou 6 ans, je crois. Je crois pas que c'est un jeu mobile à la base. Hein. Non, c'est un jeu PC à la base. C'est un jeu Steam qui a été porté sur mobile. Exact. Et ça date d'il y a 5-6 ans. Et donc c'était un jeu où vous jouez un virus qui doit contaminer le monde entier. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, on en parlait puisque le mois dernier, l'App Store chinois, le top jeu au-dessus de tout de tous les temps, c'était Plague Inc. Et du coup, l'éditeur avait dit: oh les gars, on n'a pas sorti ça parce que coronavirus, hein, c'est vous qui y jouez, mais nous on y est pour rien, on n'est pas méchants. Et la Chine, du coup, a décrété que le jeu n'avait plus le droit d'être vendu. Mais il est banni. Il est banni sur les stores. Sur Steam aussi maintenant, depuis deux jours. Et le gouvernement a annoncé qu'il était devenu tout simplement illégal, mais sans expliquer à l'éditeur en quoi. Donc l'éditeur a dit: oh, bah, nous on sait pas trop pourquoi. Voilà. Et le jeu a quand même passé les 130 millions de joueurs juste avant son interdiction, hein, quand même. Ouais, c'est après c'est un bon jeu, hein, en vrai. Bah ouais, en vrai ouais. C'est dommage. Mais tu peux jouer des bactéries, des virus, tu peux jouer différentes maladies. Ouais, tu dois faire muter ton truc. Tu dois résister aux c'est trucs un petit que jeu les gens stratégie assez intéressant mine de rien. C'est un risque virus. Ouais, c'est ça. C'est un genre de conquête, mais d'avoir des armées. Comment t'es conquer virus. Voilà, donc c'est rigolo. Et du coup, on va peut-être en parler aussi. Le virus qui a annulé plein de trucs. Le GDC, le 3, ouais. Games Developer Conference, et puis le 3 récemment. Donc le GDC, du coup, c'était d'abord c'était Microsoft, Epic et Unity qui avaient annoncé qu'ils ne participeraient pas. Ils n'étaient pas annulés, mais ils n'y allaient pas. Voilà. Comme d'habitude, Sony n'y participe jamais parce qu'ils font leur événement spécial. Sony, Nintendo, ils font leur vie. Facebook, EA, tout ça, ils font toujours leur truc à côté. Et donc, du coup, le salon a dit vu qu'il n'y a personne, on va annuler. Et le 3 avait dit. Alors, ce qui était marrant, c'est que le jour où le GDC a dit on annule, le 3 a fait non, mais nous, on est des Warriors. Nous, on s'en bat les couilles. Pas de problème. Et puis avant-hier, là, ils ont annoncé non plus. Donc voilà, donc du coup, il n'y a pas. Bon, mais le 3. C'est à cause du rouquin hein, qu'ils ont annulé. Ouais, un peu, oui. C'est pour ça, hein, ni plus ni moins. Du canard. Ouais. Du coup, comme on le disait avant l'émission en off, Jay, le 3, c'est pas très grave que ce soit annulé. Puisque de toute façon, il n'y a jamais rien qui est annoncé. Bah ouais, c'est juste des confs assez fades finalement, ou des trucs que t'as déjà vu, dont t'as déjà vu le trailer, au pire tu vois un mec qui fait le guignol sur scène, mais bon ouais. Ça fait quoi, ça fait 5-6 ans? Je pense que surtout pour la partie... Que... Hein? Ça fait 5-6 ans, je crois qu'à l'E3 il y a plus grand chose quoi. Ah, bah, ouais. Oui, depuis qu'il y a la GDC... Mais avant il y avait... Ouais, avant il y avait tout le monde effectivement qui limite avait obligation d'être là pour la fame et tout ça, là maintenant... Ils sont assez gros pour de toute façon faire leur conf de leur côté, donc. Et il y a la Gamescom. La Gamescom fait toutes les grosses. Ouais, non, mais la Gamescom, il n'y a plus personne qui y va. Ouais, mais c'est là-bas qu'il y a tout. Et TGS et Gamescom. Ouais, le 3, TGS, ils ça ont marche rien. Bien encore. Ouais. Bah ouais, à voir. Hein. Franchement, à voir. On verra bien cette année. Parce que là, si du coup, il n'y a rien à la Gamescom, à la limite, tu te dis peut-être que s'ils vont pas à l'E3 ni au GDC, ils vont garder leurs annonces pour la Gamescom. Mais si la Gamescom en août, il n'y a rien, là, c'est vraiment que. Bon, après, on rappelle les que. Les conférences là, elles sont terminées, tu vois. On rappelle que GDC et E3, c'est quand même des trucs B2B. Hein. C'est, normalement, c'est pour le. Oui, je pense que c'est plus la partie là qui doit faire chier les gens, mais ceux qui bossent dans l'ombre, on va dire ça comme ça, pas sur la scène, quoi. Ouais, voilà. L'E3 justement, vu qu'il n'y a pas d'E3, des nouveaux détails sur la future Xbox arrête pas de sortir. Là c'est Phil Spencer, le boss de Xbox, qui donne de nouveaux détails sur la nouvelle console. Est-ce que ça nous intéresse? Moi pas, Jeff, moi plaise. Bof, non. Okay. Ouais. Les chiffres de vente français en 2019, là le sell qui compile chaque année, enfin chaque semaine même, les ventes de jeux français. Les chiffres de sell? Non mais c'est les pâtes en ce moment. On va le faire à chaque fois. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Passe le bonjour à Michel Ancel d'ailleurs. Oh là là, Michel Ancel. Et d'ailleurs, au Pégase, je sais pas si t'as vu la cérémonie. On va en parler tout à l'heure. Il y a qui? Ah bah voilà. Bah, le patron d'Ubisoft. Ah oui, oui, bah Guillaume, oui. Bah il a même eu un prix, on en parle tout à l'heure. Ouais, donc FIFA 20 est en tête des ventes, mais après le reste du classement va vous étonner. On en parle ou pas? Le reste du classement va vous étonner. Je réponds juste à Tourche qui nous dit: ah bon, c'est annulé? Oui, le 3 est annulé. Oui, le 3 est annulé depuis 4 jours. Officiellement annoncé il y a 4 jours, ouais. Attends, tu disais quoi? C'est quoi le sujet là? Le classement des ventes français pour l'année. Et comme d'habitude, ils font aussi leur petit. Bouquin. Aussi, tu sais, le petit bouquin sur. Sur le profil type des joueurs français. Ah oui, en fait. Oui. Moi je suis chaud, t'es chaud? Ouais, vas-y. Donc le sel annonçait les chiffres. Donc le marché physique pèse 43% du chiffre d'affaires total du software en France désormais. C'est en baisse encore de 3%. Le démat compte évidemment les ventes, mais aussi les DLC, le pay to win, les abonnements, tout ça. Sur PC, le démat c'est 98% des ventes. Bah, donc là on approche de plus en plus, ça y est, du tout démat PC. C'est quasiment fini pour le support physique. Alors le classement qui est donc peu surprenant, FIFA 20 en tête avec 64 millions d'euros générés cette année, 1,2 million de ventes. Comme toujours, le deuxième c'est un Call of Duty Modern Warfare, 37 millions d'euros, 650 000 ventes. Et en troisième c'est Mario Kart 8 Deluxe, 500 000 ventes, 26 millions d'euros générés. C'est quasiment toujours les trois qu'on retrouve en tête chaque année. Ouais, en fait, dire, FIFA, un Mario Kart, un FIFA, Mario, un Call of Duty. Code, et puis voilà. En termes de revenus, Nintendo s'en sort très bien. Car Nintendo Trust, le top 12, de la 3ème à la 12ème place, c'est Nintendo. Putain. Avec New Super Mario Bros. Deluxe, Luigi's Mansion 3, Pokémon Épée, Super Mario Party, Smash Bros. Ultimate, Link's Awakening, Breath of Wild, Super Mario Maker 2 et Pokémon Bouclier. Donc ils sont quasiment partout. Et c'est que quasiment que de la, bah, c'est que de la Switch en fait. Il y a 10 jeux Switch, ouais, sur les 12. Et puis en termes de nombre de ventes, par contre, un seul s'insère dans cette liste, c'est Minecraft, mais c'est Minecraft sur Switch. L'édition sur Switch. Oui, parce qu'ils allaient dire maintenant Minecraft, voilà, tout le monde l'a. Donc oui, voilà, donc ils font plus de ventes. Support, ouais, voilà. Donc le Switch Edition est 9ème avec 260 000 ventes. GTA 5, qui a 7 ans, est toujours dans le top 20 avec 170 000 ventes en plus cette année. Putain. Donc c'est le seul qui est encore. Qui résiste, toujours debout, toujours vivant. Et le top 3 des éditeurs software, donc c'est Nintendo forcément cette année, qui devance EA et Activision Blizzard. Ubisoft n'est que 4ème devant Sony. Voilà. Donc Sony est cinquième alors. Sony est cinquième. D'accord. Sony baisse bien aussi. Nintendo, vraiment, c'est l'année Nintendo cette année. Ouais, mais c'est souvent l'année Nintendo là, quand y a... même. Hein. Ouais. Là, il y a, ouais, c'est toujours. Il y a Animal Crossing. Il y a Animal Crossing qui va arriver. Ouais. Bah, ouais, en fait, ils jouent bien. Des licences qui sont fortes, hein, hein, Smash Bros. Bah t'as vu, hein, il y a quasiment que du Mario et du Zelda, hein, et Pokémon. Bah j'allais dire Mario, Zelda, Pokémon. Voilà, après, quoi. Le seul qui est pas là-dedans, c'est Luigi's Mansion, mais bon, c'est une licence Mario aussi. C'est Mario, j'allais dire. Donc ouais, et un Smash Bros, quoi. Toujours le Smash Bros. Après, aussi. Mais Smash Bros, il... Généralement quand il y a un Smash Bros, un Smash Bros, ta, oui, sœur, un Smash Bros, ils en vendent, hein. Ouais, bah oui, et non, puis, voilà. La communauté e-sport qu'il y a sur Smash Bros. Une communauté e-sport sur Smash Bros? Enfin e-sport online. Oui, si, e-sport quand même. Ouais. Ça voilà, quoi. Et le petit profil comme d'habitude, 71% des Français jouent au moins occasionnellement. 96% des 10-17 ans annoncent jouer au moins occasionnellement. Donc occasionnellement, ça doit être genre une fois par semaine, un truc comme ça. Ouais, mais bon, là-dedans, il y a des jeux mobiles. Hein. Ah mais attends, il y a que ça. Non, en fait, ouais. La moyenne d'âge des joueurs, c'est 40 ans quand même en France. Mm-hmm. 52% d'hommes, 48% de femmes, ça a pas bougé. 49% des Français disent même jouer régulièrement, donc ça c'est tous les jours. 49%. La moitié des Français jouent tous les jours aux jeux vidéo. Et on est d'accord qu'on rappelle que, comme toujours, Clash of Clans, quand t'es assis sur tes chiottes, c'est considéré comme jouer. Comme joueur régulier même, puisque si, ouais, tu vas au chat tous les jours avec Clash of Clans, bah tu joues tous les jours, donc t'es classé en joueur régulier, tu vois. Le jeu vidéo étant joué le plus souvent, selon les chiffres, sur smartphone et ensuite ordinateur devant la console, donc la console n'est que 3ème, voilà. Ouais, ça c'est normal. Mais smartphone, non, mais loin devant. Ouais, mais après voilà, alors vous allez encore me taxer de gars qui aiment bien les, oui, smartphones, oui, oui. Ce qui n'est pas vrai, mais la force qu'il y a avec les jeux smartphones entre guillemets, c'est que c'est accessible à tout le monde, sur tes chiottes, qui sont gratuits. C'est la Game Boy de l'époque. Le Game Boy de l'époque. Je peux faire avec caca. Des moins bons jeux quand même. Ah oui, d'accord, ah, j'espère bien. D'accord. Mais voilà, c'est ça la force. Et encore, non, c'est au-delà du Game Boy, parce que le Game Boy, il fallait l'acheter pour jouer. Alors là, tu as déjà ton. Voilà, ton tu as déjà la machine, tu te dis, oh, pourquoi pas. J'ai mon pote, il fait, moi aussi. Mm. Et voilà, c'est ça qui fait que. Alors, moi, la seule chose que je trouve bénéfique dans tout ça, c'est que ça ouvre la porte à des joueurs qui n'auraient jamais joué avant un jeu vidéo. Et qui se dit, peut-être que les vrais jeux vidéo, attends, c'est si bien. Clash of Clans, c'est si bien, mais alors qu'est-ce que ça doit être Uncharted ? Et je me dis ça. Je me dis, pour me consoler un peu, je me dis ça. Ouais, bah, il faut se consoler. Hein. Il nous reste plus que ça. Hein. Mais là, voilà. Je parle surtout pour les enfants, en fait. Je me dis qu'il y a les gosses qui jouent avec leur téléphone. Ouais, ils vont se dire, putain, GTA 5, ça doit être cool. Ouais, mais sincèrement, je pense que oui. Hein. Je pense que c'est la porte d'entrée à 12 ans, un petit GTA 5. À des jeux. À des jeux, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Jeux, exactement. Mais ce qui est bien avec les interventions de Jay, c'est que ça relance le débat. Ah, et Fonzi dit que grâce au jeu mobile, on peut jouer à toute heure de la journée. C'est vrai aussi sur PC, hein, ouais, ou sur console. Hein. Console, globalement sur tout ce qui est jeu vidéo. Ouais, voilà. Finalement, voilà. À moins que ton PC ou ta console soit dans le lit de ton enfant, ou à l'extérieur, ou que tu dois traverser le jardin, ouvrir une porte avec des clés sécurisées. Enfin, je sais pas. Ouais. Après, je ne connais pas le profil de cet homme. Ouais, c'est vrai. Non, mais lui, là, moi, je connais le profil de cet homme et en fait, il n'a pas d'excuses. Il pourrait jouer à n'importe quelle heure. Ouais. D'ailleurs, il joue à n'importe quelle heure sur son PC, donc ferme ta gueule. Ouais. Il a mis vois, abruti. Il y a quoi ? Ah non, aussi, j'ai lu abruti. Non, non, mais voilà. T'as un con, que voilà. Je te dise, Fonzi. Alors, on continue. Pas trop d'excès de violence, tu sais. On n'est déjà plus que deux. voilà, si tu ne veux que d'autres personnes nous rejoignent. A Plague Tale remporte le César des jeux vidéo, les Pégases. Est-ce qu'on en parle ? On a déjà parlé le mois dernier de A Plague Tale. J'en ai bouffé toute une soirée, je t'avoue, je m'en passerai. J'y ai pas joué, si on n'en parle pas, ça va faire de la peine à Juju. Mais alors oui, on va en parler. Voilà, le mois dernier, Juju nous avait dit que c'était. Et d'ailleurs, il m'a dit que c'est tout à fait normal. Que ça a été un carton plein pour A Plague Tale. Il avait déjà raflé tous les prix des cérémonies dédiées aux jeux vidéo outre-Atlantique. Non, pas outre-Atlantique, non, chez nous plutôt. C'était les Game Awards. Les Game Awards français, là. Un truc comme ça. Ça s'appelle, mais oui. La cérémonie française n'a pas dérogé donc à la règle. D'autant que c'est un jeu français, donc forcément, ah ben, on va lui mettre un petit prix. Mérité pour le coup. Voilà, quelques name drops entre autres. Donc, meilleur jeu vidéo, A Plague Tale Innocence. Meilleur premier jeu vidéo, Un Pas Fragile. Connais pas. Aventure d'une petite grenouille, fait par un studio français indépendant. Voilà, Un Pas Fragile. Si vous voulez aller voir sur Steam, ça doit y être. Le prix spécial de l'Académie, au-delà des jeux vidéo Alt Frequency, ce qui avait eu plein de prix aussi par ailleurs. Meilleure excellence visuelle, meilleur univers sonore, meilleur game design, meilleur univers de jeux vidéo, meilleur personnage pour A Plague Tale. Meilleur jeu vidéo étranger, Metro Exodus, qui avait aussi raflé tous les prix aux Game Awards américains. Ouais. Je ne peux dire que ok. Bof. Pour moi non, mais ok. Et excellence narrative, c'est Life is Strange 2, on le rappelle, fait par des Français puisque c'est Dontnod. Et excellent jeu, si l'on est. Le 1 était excellent, le 2 je n'ai pas joué au 2, mais je suppose que jouer, voilà. Voilà. Des choses à redire, messieurs ? Jay ? La cérémonie était malaisante, mais ça va. Ah ouais ? Parce que ça ressemble vraiment au César ? Non, du tout, bah pour le coup, la production était bien puisque c'était Webedia. Ah bah oui, bah alors c'était super. Mais non, mais franchement, ça s'enchaînait vite et tout. Mais c'est juste qu'en animateur, ils avaient eu le malheur de prendre. Enfin, le co-host, c'était Manu. Ah, tu vas dire du mal, attention, tu vas dire du mal. C'était qui ? Le Manu qui fait 6-9 sur NRJ. Manu Lévy. Manu Lévy, ouais. On sait pourquoi il fait de la radio. Tellement lourd, quoi. Ah, ouais. Une blague sur le coronavirus, vraiment, sans exagérer, toutes les 4 minutes à peu près. Enfin, c'était insupportable. C'est moche de voir mes idoles. Ils ont bien vite enchaîné, franchement ça allait, mais ça reste long et tout. On savait très bien que Plague Tale Innocence allait tout gagner. Oui. Ils ont reçu 6 trucs, c'était un peu too much, j'ai trouvé, mais bon. Ouais. Voilà quoi. Et il y avait des trucs quand ils ont le jury qui a nominé les candidats pour le jeu étranger de l'année. Ouais. Genre dans le top 3, c'était Apex Legends. Oui. Et deux autres trucs. Alors genre il y avait même pas Sekiro, il y avait pas Pokémon Sword and Shield, enfin genre les jeux de l'année, genre Sekiro c'est le jeu de l'année, tu vois. Mm. Qu'à un moment tu dis bah est-ce qu'il y a pas Death Stranding on aime ou pas, il y avait des jeux de ouf que personne n'a jamais vu. C'est l'exception culturelle française un peu. J'avais l'impression que tout était sélectionné par oui mais nous on est les Français donc et puis on est un peu les Césars. Oui, on aime les trucs disruptifs. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, okay, chiant. On aime la branlette quoi. Ouais. Bah c'est les Césars. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Alors que, on va en parler aussi peut-être, les BAFTA, ils ont aussi remis un prix pour les jeux vidéo cette année. Les BAFTA, c'est le British Academy of Film. BAFTA, c'est le truc que tu passes pour avoir le droit de garder des gamins, c'est ça. Qu'il est con. Est-ce que tu connais des comptines ? Alors, c'est, le, c'est le truc British Awards, je sais pas quoi. C'est là, ceux c'est qui donnent normalement les. Bah, c'est, en gros, c'est les Oscars. Télé, non, les Oscars de la télé, oui, de la BBC. C'est les 7 d'or. Oui, voilà, c'est, en gros. Mais c'est aussi pour. C'est l'Académie de la télé et des films. C'est le, ouais, c'est les Oscars de Grande-Bretagne, quoi. C'est 7 d'or. Non, c'est vraiment les Oscars de la Grande-Bretagne. Parce que c'est aussi pour les films. Mais ils font aussi les jeux vidéo depuis quelques années. Et eux, c'est pareil, hein, c'était en mode. C'était nos jeux à nous. D'ailleurs, il y avait même un prix. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait un prix meilleur jeu britannique de l'année. Sauf qu'à part Codemaster, je crois pas qu'il y ait de studio britannique. Et encore Codemaster, je suis même pas sûr qu'ils existent encore. Ils existent plus, je crois. Je crois pas. Donc, du coup, ils ont vraiment été cherchés loin pour un petit studio jeux. Perdu. Ah non, mais c'était des jeux qui ne mériteraient pas d'avoir un prix, tu vois. C'était okay. Genre, je j'ai sais pas, pas suivi, donc voilà. j'ai des vieilles rêves parce que Codemaster n'existe plus sûrement, mais c'est comme si tu nommais cette année Colin McRae Rally 2 et doit y avoir un Football Manager dedans, parce que je pense que c'est Sport Interactive, ça doit être britannique. Peut-être, je sais pas. Donc du coup, voilà, c'est que Micro Machines, c'était Codemaster. Ben voilà, ça devait, en gros, t'avais que des bons jeux, et puis tout d'un coup, t'avais Colin McRae Rally 3, Football Manager 2020. Et okay. Je sais pas, il y a un truc random, tu te dis, ça existe ce jeu ? Donc voilà. Et après, pour les autres trucs qu'ils ont. T'avais ont... trois Simulartung et tout ça ? Non, c'est pas ça. Bah non, c'était pas des Simulartung, c'était des. Les Simulartung, c'est en Allemagne. C'était des Simul. Caution. Des Simul Caution. Simul Caution ? Bah oui, mais. Caution, Artung. Okay. Artung, Caution. Des ouais. Simul Biohazard Caution. Voilà. En gros, beaucoup de prix dans les 18 catégories. Grosse présence de Death Stranding, c'est original. De Control et de Disco Elysium, bah, c'était les mêmes qu'au Game Award en fait. Et on note aussi que Plague Tale Innocence est nommé dans la catégorie meilleure technique. Voilà. Mais elle n'a pas reçu le prix. Et le fameux Untitled Goose Game, vous savez le jeu avec la petite. Avec l'oie. Voilà. Il était nommé. Il est nommé. Ah bah j'ai dit, il n'a pas de prix, mais non, ils n'ont pas fait encore. Ça a pas, ils n'ont pas donné les prix encore. Il est juste nommé dans la catégorie. Et ouais, il est dans meilleur jeu, Untitled Goose Game. Donc, ah oui, carrément. Meilleur jeu. Il y a toujours chez nous des trucs. Dans les trois derniers. Que quoi ? Rare est un studio britannique. Rare est un studio britannique ? Mais Rare fait-il encore des mais jeux ? Mais Rare ne fait plus de jeux. Ouais, voilà. Voilà. Rareware, comme les vieux connaissent Rareware. Rareware. Avec, comment il s'appelle le. Alors pour moi, Rare, c'est le nom d'un film d'Alain Chabat, mais. Non, Rare, c'était OSS. 007 GoldenEye. Oui, GoldenEye, ils avaient fait, mais le jeu sur 64 avec le cureuil, là, je sais pas quoi, pas l'écureuil, mais le. Banjo Kazooie ? Non, un jeu ultra subversif que même Nintendo, ils étaient genre, on n'est pas sûr de le sortir, là, comment il s'appelle ? Conquer Bad Fury, voilà. Ouais. Ok. C'était britannique aussi, ça ? C'était Rare ? Ah oui, c'était Rare. Ouais, c'était Rare. Ah oui, c'était Rare. Ouais. Ouais, bah, eux n'existent plus non plus. Donc oui, c'est possible qu'il y avait des jeux qui n'existent plus dans les nominés. Et enfin, un nouveau The Witcher après la sortie de Cyberpunk 2077. Ouais. Ça, c'est une bonne idée, qu'elle est bonne. Voilà, devant l'ampleur que prend la série Netflix, et puis le film aussi maintenant qui arrive. Après le jeu vidéo, CD Projekt Red a annoncé qu'ils allaient finir Cyberpunk 2077. Il serait temps. Et juste après repartir au turbin à raison de 60 heures par jour. Donc d'ici 10 ans, on va avoir voilà, pour un nouveau Witcher 4. Donc ça débutera débutera donc après le 17 septembre prochain à la sortie de Cyberpunk 2077. Et seule info, il ne s'appellera pas The Witcher 4 et il ne parlera pas de Geralt de Rive. Alors, peut-être que ce sera un jeu sur le héros qu'on va voir au cinéma, enfin en film avec l'animé qui va arriver, enfin le oui, c'est un animé, on va dire un animé, mais voilà. Le film, un manga, mais c'est, oui, oui c'est voilà, c'est un film d'animation, film voilà. D'animation. Merci. Et donc ce sera peut-être Vesemir, puisque c'est lui le héros. Non. Peut-être. Ça va être Ciri, je pense. Je sais pas. Il y a pas d'info. Ça me paraît logique que ce soit Ciri, mais. Ok, bah, Ciri. C'est la suite, ouais. Mais tu sais comment ils sont les Polonais, hein. Oh, attention, ça va être cette blague va être raciste. Non. Ils sont alcoolisés, c'est non, ça. Non, j'allais dire. C'était un point Godwin là. Ils sont facilement envahis. Charisme, tout le monde s'en fout de Vesemir en fait. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on fait un film sur lui. Ouais, je sais pas. Bah non, mais Ciri, elle est stylée honnêtement. Il y a plein de trucs à faire. C'est toi, tu veux des gros lolos. Toi. Non, même pas. Non, on s'en fout. Non, franchement. Pas une meuf, c'est vrai que son background et tout, c'est cool. Ciri, c'est un personnage. Et ben, on le saura d'ici septembre. Ou pas. Non, on le saura sans doute d'ici 10 ans, oui, en effet. Ouais, on le verra dans 10 ans. Du coup. Donc il y a Ablette. Ah non, il n'y aura plus Ablette. Putain, Ablette, elle est morte. Mais ne spoil pas! Bah, il a tout spoilé. Je spoil rien du tout. Mais je spoil rien du tout. C'est juste que c'est son cheval et que bah forcément à un moment il claquait son cheval, c'est tout. Il continue. Ferme ta gueule. Mais dans la série, elle meurt pas, je crois pas. C'est bien, il entend pas les jingles, il entend pas les jingles. Ferme ta gueule. Non. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Bon, allez, on passe au gros beat parce que on est en retard. Est-ce qu'on est en retard? 52, on est en retard. Il est 53. Parfait, on est en retard. On est en retard de 15. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros beats. C'est la dernière partie. Mais il parle sur le jingle, enfin. Ferme ta gueule, remets le jingle. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros beats. Pouvez répéter la question? Les gros beats. Excellente réponse. Maintenant, tu peux parler. Voilà. Pardon. Pardon, bisous. Alors, ce mois-ci, un quiz spécial virus. Ah bah tiens, incroyable. Le virus qui a eu raison des écoles, du gouvernement, de certaines entreprises qui ferment aussi ou autorisent pour une fois le télétravail. Comme quoi, il suffit d'une bonne guerre pour que les patrons aient enfin la bonne idée d'autoriser le télétravail. Bisous, si tu me regardes. Petit point coronavirus. Le coronavirus n'existe pas. Hein, c'est un le Covid-19. Coronavirus, c'est comme un virus. Non, le coronavirus tout seul, c'est... non. Il y en a 6, c'est le 6e, qui s'appelle non pas Covid-19, mais... J'ai coupé son et micro. Le SARS-CoV-2, mais vas-y, remets mon micro. Le SARS-CoV-2, c'est pour les cheveux normalement. SARS-CoV-2 est le virus qui déclenche la maladie Covid-19. Alors, ça, on vous le dit jamais à la télé. Donc, hein, un quiz spécial maladie. On rappelle l'enjeu. L'équipe perdante paye un tacos avec plein de coronavirus à l'équipe gagnante à la fin de la saison. Comme on n'est pas Burger Quiz, c'est pas une équipe ketchup mayo, c'est une équipe Samouraï et Dallas. Il y a 22 pour Juju et Yako, c'est qui? C'est Dallas ou c'est Samouraï? Nous on est Dallas. D'accord. Je sais jamais lesquels. Nous on est Dallas. Heureusement que lui il le sait. Parce nous que on est Dallas, l'univers impitoyable. D'accord, et Samouraï c'est donc Jay et Jack 17. Alors ce sera un 1v1 ce mois-ci, c'est cool. C'est vous bon, êtes tous les bim deux là. Bam. Et on commencera par le perdant. Donc, Jay qui a 17. Alors, une émission spéciale virus, maladie, mort, tout ça. Donc l'émission de la joie. Comment s'appelle le jeu d'action sorti en 99 sur PlayStation, adapté d'un film, lui-même adapté d'un comic, où on joue un criminologue qui doit empêcher une entité alien mi-zombie, mi-mécanique de se propager entre les membres de l'équipage d'un navire scientifique? C'est un jeu d'action qui est sorti donc adapté d'un film. Putain, je l'ai. Alors, réponse A, c'est Sphère. Réponse B, c'est Zombie. Réponse C, c'est Virus. Réponse D, c'est Touche pas à mon poste. Alors, d'ailleurs, c'est annulé en ce moment. Pardon. Aucune idée. Très bien. Donc, c'est quoi? C'est Sphère, Virus ou Zombie? Vas-y, oui, c'est ça. Vas-y, continue. Sphère, Zombie, Virus ou Touche pas à mon poste? Sphère. Alors, ne donne pas la réponse. Non. Je dis éhontément que je connais la réponse parce qu'en fait, c'est le premier film que je suis allé voir au cinéma. Avec ma première petite copine. Ouais. C'est Virus. C'était Touche pas à mon poste. Oui, c'était Virus, en effet. Ah là là, quel... Je me suis dit que c'était forcément un piège, mais ok, très bien. Quel dommage. quel dommage, Madame Chambier. Ah, 6 francs près. Comment elle s'appelle dedans? Il y a... Pas dans le micro. Pardon, il y a... La meuf de... Ah, c'est bien d'intervenir pour ça. La meuf de Schwartzy dans True Lies, là. Comment elle s'appelle? Voilà, elle. Oui. Je vais dire Kim Basinger, pas du non, tout. Non, mais elle. Oui, oui, oui. Oui. Et il fait une celle qui danse. Voilà, elle. Voilà. ça fait 17 à 23. Dans le jeu Resident Evil... Jimmy Lee Curtis, voilà. Jimmy Lee Curtis, merci. Dans le jeu Resident Evil, et non pas Resident Evil, c'est un virus, le virus T, je le dis, je le donne, putain, qui contamine les gens. J'ai failli mettre cette question-là, mais je me suis dit que c'était trop obvious, mais tu vois, tu ne savais même pas. Si, je savais, virus T. Ah, merde. Alors, j'ai bien fait de pas le mettre. Le virus T contamine les gens et les transforme en zombies. Dans le jeu, c'est une amélioration d'un autre virus découvert en 67 et sécrété par une plante africaine. Comment s'appelle-t-il? Le virus Wesker, le virus Progenitor, le virus Ebola ou le virus du rhume? Putain, alors là, je sais pas du tout. Du coup, je vais y aller en mode random. Ebola? Alors, Ebola est en effet une souche du virus dans le jeu, déjà à l'époque. Mais c'est le virus Progenitor qui est à l'origine. Voilà. Ce qui nous fait 0-0. Un total de 23 à 18. Jay, on en avait parlé dans une vieille émission. L'OMS a désormais classifié Gaming Disorder comme nouvelle maladie, le trouble du jeu vidéo lié à la pratique intensive qui prend le pas sur d'autres centres d'intérêt quotidiens. Sur combien de mois cette pratique doit se manifester pour que l'OMS considère que c'est une maladie? Pendant combien de mois doit-on jouer comme un gros hard gamer avant d'être considéré comme malade. Un indice, ce sont des mois qui comportent 30 jours, voire 28 pour le moins. Voire 31 pour certains. Ah, merci de l'indice, du coup. Ce sont des mois qui comportent des jours, déjà, on peut le dire. Oui, je pense que là, on est sur une bonne base, du coup, ça m'aide pas mal. On est sur une base de mensuelle, finalement. À un mois près. Voire des douzièmes d'année, même. Un douzième d'année, je t'autorise. Ouais. Je dirais 6. Ah, est-ce que c'est ton dernier mot? J'ai mis cette intonation pour que tu aies peur et que tu crois que c'est faux. Alors que peut-être c'est vrai, mais peut-être c'est faux. Allez, combien? Non, mais 6. Mais non, c'est 12 mois, il faut une année entière et pleine et complète. Mais qu'est-ce que j'en sais? Mais c'est beaucoup trop! Mais c'est beaucoup trop! À chaque fois, il pose des questions où je connais les réponses à toi. Bah ouais. Et c'est toi qui as les points, du coup, ça marche. Ouais, 18... avoir deux fois plus de 18 à 24, 18 à 24, 18 à 24. 18 à 24, c'est bien. Ouais. Est-ce que 18 à 24? 18 à 24. 18 à 24. Yako, dans le jeu très connu The Division d'Ubisoft, tu connais? Oui. New York, Yako, puis Washington là. Sont touchés par une pandémie qui fait tomber la civilisation. Quel est le nom de ce virus? Aucune idée. Ah! Est-ce que tu le sais, Jay? Moi, je le sais pas. Personnellement. Pourtant, j'y ai joué. C'est une maladie connue en plus. C'est une vraie maladie. C'est même pas un vrai. Enfin, c'est un virus. C'est la grippe. La chiasse! Ah, attends. Non, pourtant je l'ai fait. La diarrhée. Attends, c'est à moi de répondre ta gueule. Non, maintenant t'as dit tu sais pas. Ah, c'est fini, ça y est. Ah, c'est considéré, tu sais pas, est considéré. Non, je sais pas, est considéré comme une maladie. Est considéré comme une réponse. Non, attends, t'as du PQ devant toi, il y a un indice. Allez, je te donne 3. Attends, c'est la. 2 secondes. 3 secondes. La gastro secondes. La gastro-entérite, évidemment, t'imagines. La variole. La variole, ouais. La variole. Ouais, bien sûr, je le savais. Non, je savais que c'était pas la gastro. Ouais. Ça fait quoi, 19 à... 19 à 24. 24. 19 à 24. Alors, la dernière, c'est une citation, évidemment, pour la dernière question, puisqu'on est les grosses têtes, enfin les gros bits, enfin les petits bits, enfin, vous le savez. Donc, vous devez trouver l'auteur, la réponse vaut plein de points. On est à 18 à 24. Mm-hmm. La réponse vaut 4 points. Pas beaucoup. Mais, mais c'est pas grave. Qui a dit? Et parce qu'on n'avait pas encore parlé de nazis jusqu'à maintenant, c'est étonnant. Ah bah oui, si, j'ai dit. La Pologne, si tu veux venir. Bah tu vas voir. Contrairement à la rage, le nazisme n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il est pourtant contagieux. Vous avez le droit de poser des questions, évidemment. C'est un français? C'est un français. De souche française. Attends, de quoi? De quoi? C'est un français, il a dit. C'est un français. Français. Et c'est chaud, hein. 18 à 20... Redis-la, blablabla. 18 à 24, attention. Contrairement au... Je sais pas quoi. Contrairement à la rage, le nazisme n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il est pourtant contagieux. Il y a encore quelque chose derrière, mais c'est plus drôle, là. Et si tu le dis, on trouve tout de suite, c'est ça? Non, mais c'est juste que c'est moins... Enfin, oui, si. Si je dis avec les tournures de phrases et tout ça, peut-être que vous pouvez savoir. C'est un français. C'est un homme. C'est un français, c'est un mâle. 6. C'est un mâle alpha. C'est un politique. Non. Non, c'est un comique. C'est un comique. Comique acteur. Plus comique que acteur. Stand-up ou. Est-ce qu'il est mort? Il est mort. Stand-up, non, ça n'existait pas forcément encore à l'époque. Ah, pas si, il est mort. Joule. Non, c'est Joule. Pas. De Vos. C'est pas Raymond De Vos. Guy Bedos. Non. Raymond De Vos. Non plus. Non plus. C'est pas Coluche, parce que Coluche aurait jamais dit ça. C'est pas Coluche. Des vieux comme ça. Des vieux donc comme ça. Mort. Il est mort. C'est un vieux comme ça. Il est mort. Oh, les vieux comme c'est ça, Pierre Desproges. C'est Pierre Desproges. Mais oui, c'est Pierre Desproges. Puisque ça parle de juifs et de nazis. Bah oui, bien sûr. Voilà, bim, 4 points dans ta gueule. Oh, dis donc, c'était et... 4 points pour Jay, mais c'était 1 point pour toi. T'es le mec qui re... Oh, oh non, ah. Et tu bon. Sais comment je le sais? Non. Parce que maintenant j'écoute Rire et Chanson, je me fais plus niquer. Ah ouais, c'est pas faux. Mais il faut écouter les grosses têtes. 18 à 28. Là, je pense que c'est inespéré de revenir au score. Ah, alors que j'étais très loin. 18 à 28. Saison. Alors qu'on sait très bien que, évidemment, la dernière question vaudra 17 points. Ouais, on donc le sait. On, voilà. Donc... Ah oui, non, mais de toute façon, mais moi j'arrive qu'à jusqu'à la dernière. Ouais, toi t'as pas peur, toi. De toute façon, tu le sais. Tu sais que dans tous les cas. Mais est-ce qu'il y aura une dernière question? Je le sachons. Est-ce qu'on ne sera pas tous morts d'ici là? Eh bien, vous le saurez. Pour cela, il faut nous regarder le mois prochain, évidemment. Comme ça, vous êtes obligés de revenir. Car cette émission touche à sa fin. Pas trop, On est pas trop pas en retard. Trop en retard, non. 19h02. Ah bah non, mais il faut rappeler qu'on a commencé à l'heure, mais qu'on n'était pas en direct. Mais on a commencé à l'heure. C'est vrai. Pour vous, on a commencé à 19h07, mais nous, on a commencé à 19h00 pile. Pile poil rond. Regarde, d'ailleurs, il y a même l'horloge en face. On était bien, hein. On était à la bien. On était bien. Bien. Dommage qu'on n'était pas en direct. C'est une émission, évidemment, qui est totalement professionnelle, comme d'habitude, vous le savez. On rappelle votre actu rapidement, messieurs qui ne m'avaient pas lâché pour cette émission. Enfin, un à moitié, et puis oh, l'autre qui est là. Oh, comment ça balance. Mais, hé, hey, ta race aussi. Hein. Non, mais c'est tout. Ça fait combien de mois que j'annonce ton retour et que tu n'es pas là? Alors, 4. J'étais là en décembre. Voilà, 4 mois. Ça fait 3 mois. Ouais. Et là, on va avoir un 4e émissions. Mois. Ah bah là, de toute façon, à mon avis, avril, tu peux te gratter aussi. Ah ouais? Bah non, mais on n'a pas le droit de bouger. Non mais... Après, ça va être de pire en pire, de toute façon. C'est... La prochaine émission, ce sera dans 4 à 5 semaines. Il y a Tourche qui demande si la citation est vraie mot à mot ou qu'elle a été retranscrite. Non, la citation est vraie mot à mot et j'ai juste enlevé le début et la fin parce que c'était très déprogéen sur le reste, donc du coup, c'était trop facile. Et je t'emmerde. alors, une page internet, quelque chose à recommander, une actu à suivre, Yako. Très bien, merci. Pour l'instant, comme d'hab. Voilà. Et tout le monde s'en fout, une émission YouTube. Alors en fait, si, en fait, je vous le dis, bah, je voulais pas le dire, mais je vous le dis. Ah non, on le dit pas. Non, regarde. Ça va vous étonner. Non. Donc attendez la suite. Non. Non, je veux pas que. J'ai recommencé à écrire de tout le monde s'en fout. Je voulais pas que tu le dises. Et ça ne s'appellerait peut-être plus tout le monde s'en fout. Non, ça s'appellera tout le monde s'en branle. Voilà. Moi le premier. Voilà. Non, est-ce que tu pourrais appeler tout le monde s'en balèque. Tout le monde s'en balèque Ptartek. Tout le monde s'en Ptartek. Eh, y a les droits d'auteur dessus. Hein. Faites gaffe les mecs. Ok. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Exactement. Jay, lui, à part la maladie, pas grand chose à dire. Hein. C'est ça. Voilà. À part le confinement et à part l'habitage le confinement. À Paris. À part le il fait... a perdu tous ses cheveux à cause de la maladie en plus. Oh, c'est ouais, bah il y a 15 ans déjà, donc oui. Oh c'est une maladie qui commence à se faire un petit peu. Ouais, mais c'est la longue. Souche, elle est comme ça. Je le rappelle, à la suite de cette VOD, d'ici la fin du mois, un worst of des pires moments sera mis en ligne. Donc si vous tombez sur nous trop tard, genre maintenant, vous pourrez avoir une version courte dans quelques jours. Sinon, vous pouvez regarder cette VOD. Et juste en dessous, il y a les time codes qui vont directement aux endroits que vous avez peut-être loupés. Évidemment, vous nous écoutez aussi en podcast sur Spotify. Vous tapez Game Trip FM dans Spotify et vous pouvez nous écouter. Il y a des dossiers, des tests qui vont pas tarder à arriver, notamment un gros jeu Mega Drive bien connu avec un hérisson et un numéro 2 derrière le titre. Je ne vous dis pas d'indice supplémentaire, vous allez peut-être le deviner. Et un renard. Et un renard avec deux queues. C'est très pratique. Pour Fonzi, si tu nous entends. Facebook.gametrip.net, Twitter.gametrip.net et Youtube.gametrip.net pour nous suivre. Discord.gametrip.net pour discuter avec nous et venir même discuter en vocal avec nous si vous voulez. Et puis on se retrouve au mois prochain. On n'a pas encore la date exacte, mais comme d'habitude, on vous prévient. Le mois prochain, ils sont là les autres ou pas? Ah, les autres pourraient être là. Ouais, je crois que Juju il a dit qu'il pourrait être là. Hein. Peut-être, oui. Normalement, tout le monde sera là le mois prochain. Alors, si vraiment il y a toujours le coronavirus et qu'on est en stade 8 de l'épidémie, il y a peut-être y en a qui sont morts. Je suis pas sûr qu'on sera encore présent. Voilà, non, je suis pas sûr surtout qu'il y ait 4 personnes qui viennent chez moi à ce moment-là, mais, mais on verra. On fera peut-être une émission totalement enregistrée sur Discord. Voilà. On se mettra peut-être tous sur Discord et puis on fera l'émission en vrai podcast comme on faisait tout au début. On verra bien. On verra bien. Sans vidéo. D'ici là, ben, portez-vous bien. Soignez-vous bien. N'allez pas dévaliser. Restez chez vous. Oui, restez chez vous. N'allez pas dévaliser les magasins puisque les magasins sont approvisionnés normalement tous les jours. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas la peine d'aller faire des stocks pour 8 mois. Hein. Vous avez qu'à ressortir dans une semaine pour refaire vos courses comme vous faites d'habitude. Comme d'habitude, voilà. Soyez pas con. Voilà. Et puis, parce que si vous avez plus de 70 ans, ne léchez pas les barres de métro. Voilà. C'est... Même voilà. Si vous avez moins de 70 ans, d'ailleurs. Hein. Si vous avez plus de 70 ans, léchez les barres de métro. Pardon. Tu le fais, toi? Je fais depuis un an, ouais, perso, mon système immunitaire, il est ouf. Hein. Ouais, à part quelques cheveux que t'as perdu, tout va bien. Bah, carrément, voilà. C'est un choix que j'ai fait. C'est un choix de vie. C'est, et puis, vie, c'est la vie que j'ai choisi de... Ma vie de thug. Eh bien, on se retrouve au mois prochain. Vous nous suivez sur Facebook pour savoir quand est-ce que ce sera. On vous dira tout ça. Et allez sur GameTrip.net pour lire tous les nouveaux tests qui arrivent. Merci à tous pour cette émission. On peut enlever nos gants, nos petits masques, et puis on va reprendre une activité normale. Bisous YouTube. Au mois prochain. Ciao. Ciao.